Ah, ça fait du bien. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir la Terre entière, bonsoir le WhatsApp. Et franchement, cette émission, on va y pas se faire. Oh là là là là là. Et je te jure, je me suis retrouvé dans une situation pneu pété. Attends, mais tais-toi pas maintenant, pas tout de suite, toi aussi. Ça allait bien là. Avec ce que tu disais. Et je te jure, pneu pété. Non, mais genre, j'étais sur la route tranquille et je me dis, bon, aujourd'hui, j'arrive un petit peu plus tard que d'habitude. Longue journée de travail. Et mon pneu, il fait PAC. Non. À 15 minutes de l'émission, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais foutre? C'est pas possible. Roue de secours, montage super vite. J'ai appris ça dans le Big Deal à l'époque. Tu te rappelles dans le Big Deal, là, ils veulent monter des roues de secours. Oui, là, oui, possible. À la vieux jeu de Vincent Lagarde. Première fois que je montais une roue moi-même, tu sais, d'habitude, je suis un peu le mécano et tout, alors j'ai pas le temps. J'ai monté cette roue, mais en 2-2, je suis arrivé jusqu'ici à la radio. Qu'est-ce qui se passe? Je sors de la voiture, je fais tomber le téléphone WhatsApp. Putain, c'est chaud. Et comme on est devant énergie, c'est pas éclairé, bah, et du coup. Il y a des bouches d'égout en plus. Ouais, bah, du coup, je commençais à mettre mes mains au sol, je me suis mis par terre. C'est mouillé, c'est humide, il y a, je sais pas, de la pollution qui dégouline, enfin bref, il y a de la boue et tout. Je m'en suis foutu plein les mains, je cherche après ce téléphone, je le trouve pas. C'est un truc de ouf. Et je remercie un de mes collègues là qui bosse avec nous à Énergie et qui a réussi à nous retrouver le téléphone là. Il est venu me l'apporter en 2-2. Donc du coup, ouais, c'est bon. On a l'émission, on est là. C'est pour ça que vous avez eu un petit bordel au début parce que j'ai pas fait de programmation, rien du tout. Mmh. En attendant, que d'aventures, les amis. Comment va Lara de ton côté? Est-ce que la vie est belle? Ça va super bien. J'arrive pas à croire, j'ai gardé le sourire. Hein. Je me suis dit, pneu pété, mais je garde le sourire, tout va bien. Ouais. Il faut toujours garder le sourire. Enfin, il y a pire dans la vie quand même, non? Oui, c'est sûr, il y a pire. Mais bon, tu sais, ce qui me met la pression, c'est de rater l'émission, en fait. Tu dis, mais non, écoute, est-ce que ça va être la première émission que j'ai ratée ou quoi, là? Non, non, non, ah oui, c'est vrai, t'en as pas encore raté pour l'instant. Non. Et je dois dire que c'est assez exceptionnel. Oh là là, ça veut dire quoi, ça? J'ai jamais raté d'émission, non, sauf quand ma fille est malade, voilà, bien sûr, voilà. Voilà, mon fiston aussi, j'accompagne. Quand t'es en retard et que. Mais c'est pas mal parce que du coup on t'appelle au téléphone, ça fait un petit truc un peu dynamique. Tu vois, il faut toujours rebondir, il faut voir les choses du bon côté. Ah, merci Lara. Non, non, heureusement qu'elle est là. Un peu la maman de cette émission. Et puis on a Nigel. Ouais, Nigel. Ouais, ça va un Nigel, peu. Nigel, quand je t'ai eu au téléphone, j'ai dit putain, je suis en galère. Tu croyais que je te mitonnais en fait? Ouais, mais tu fais des vannes donc. Tu vois, c'est ça le problème. Le jour, il va m'arriver quelque chose de méga grave. Non, et surtout que tu sais. On va se de ma gueule, on va faire, ouais, c'est ça. Tu sais que j'étais en train de faire la programmation et tout. Et en fait, je t'appelais, tu répondais plus. Donc j'ai dit, ouais, vas-y, se fout de ma gueule, il est dans les studios, il va arriver à 50. Je cherchais après le téléphone WhatsApp là. Heureusement, c'est bon, on est là. Il y a Isor qui est connecté, il y a Thomas aussi qui m'envoie un message là. Il y a une nouvelle personne là, qui m'a envoyé un message pour la première fois là, le numéro qui termine par 4025. Vince est dans la maison. Merci à toi pour le message. Vince, que tout le monde a l'impression de rien connaître pour les examens. J'attends les techniques de triche. Ah les amis, ce soir on va en parler. Les examens arrivent à grands pas pour certains et beaucoup d'entre vous. Il y en a déjà beaucoup qui sont dedans là, ceux dans le secondaire. Quelles sont vos meilleures astuces pour tricher ou les pires astuces pour tricher? Et puis aussi les bons conseils pour bien étudier. Mais principalement, on va se tourner du côté sombre de l'école. Le côté sombre de l'obscur de la force. Quelles sont vos meilleures astuces pour tricher? Et on va poser cette question à nos collaborateurs de cette émission. Ils sont au standard, ils décrochent à vos appels. À savoir Thibaut et Edith. Tu sais, j'allonge mes phrases pour qu'ils se rendent compte qu'ils doivent prendre le micro parce que les pauvres, ils sont occupés avec les auditeurs dans le standard. Ça va, Edith? Tu vas bien? Ça va super bien, ça va super bien. Mais moi, la triche, tout ça, ça me concerne pas trop. Du coup, je comprends pas. T'as jamais triché, toi? Moi, je suis pas un tricheur, moi. T'as la flemme de tricher? Non, je faisais que tricher, je vois des tricheries incroyables. Je me disais, t'as une tête comme ça, on dirait le mec qui triche en classe. Phénoménal, j'ai raconté un petit truc à Nigel tout à l'heure, là, c'est une vraie tricherie de ouf. Ouais? Ouais, j'ai réussi tous mes examens grâce à la même technique. Ah purée, tu veux nous raconter ça? Ouais, du coup, l'école va se retourner contre lui. Ouais, grave. Peggy 25. Ouais, putain, en plus, j'étais à l'Athénée de Gilly aujourd'hui, faire un petit coucou là, à la direction. Bonjour, monsieur le directeur, vous allez bien? Il me dit, moi, j'ai écouté votre émission ce soir. Je dois décrédibiliser totalement là. Ah, comme ça, vous donnez des conseils pour les examens, des conseils malsains. Bah ça va, lui aussi l'a triché. Hein. Ouais, peut-être, on ne sait pas. Et puis on a Thibaut qui est là. Salut Vin, salut la team. Ça va Thibaut, tu vas bien? Ouais, super, tranquille. Hein. D'habitude, moi, y a rien à dire de plus. Hein. Ouais. Toujours bien, moi. Tricheur ou pas tricheur, toi? Travail d'équipe plutôt. Ah, oh, c'est bien. C'est une autre manière de formuler. Mais c'est tricher aussi, quoi. Voilà. C'est ça. En fait, je vérifiais mes réponses, on va dire. Tu jetais un petit coup d'œil sur le côté. C'est ça, quoi. Travail d'équipe, mais en équipe ou alors travail d'équipe, mais en solo? Et on m'aidait aussi. Ah, ça c'est bien, ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Pas laisser les autres dans la merde. Non, Thibaut, en fait, il aidait les profs à voir les tricheurs en fait. Ouais, c'est ça sûr. Le travail. Ça me rappelle, des profs, ils mettaient zéro parce que t'as la même chose que ton voisin. Bah oui. Si c'est la bonne réponse. Voilà, c'est la bonne réponse. C'est, tu vois. Ça. Ah bah ouais. c'est ça que je lui ai dit. Je lui ai dit, bah oui, bah, c'est la même chose. En plus, t'es même pas mon voisin, c'est mon voisin du devant, de devant. Et il me dit, t'avais la même réponse exacte que ton voisin du devant. Vous avez vu sa chevelure, il n'y a pas moyen de voir, tu vois. Il m'a pas mis mes points en plus. Hein. Solo, c'est pas grave, je l'ai bien eu à la fin. Bon, les amis, on a Stéphanie qui est là dans le standard, là, avant de faire un petit topo de l'émission. Coucou Stéphanie. Coucou Stéphanie. Non, Stéphanie est dans la maison. Sur Énergie. Ça va Stéphanie? Sur Énergie. Oui, ça va. On s'en va. Oh, il y a eu un petit ton dans le ça va qui a, tu sais, ça a bien passé, c'est bien passé jusqu'au s'en va. Tu vois, le petit mot. Parce que généralement, quand on dit ça va et que tu vas vers le haut. Ça va et que ton A va vers le haut. Elle a dit ça c'est va. C'est que tout va bien. Mais quand tu peux décider que quelqu'un ne va pas bien, c'est quand tu dis ça va et qu'il descend en son haut. Ça va. Ah, là, c'est un petit peu remonté. Formidable. Stéphanie, tu viens de quelle ville? Je viens près des barrages de l'Oder. Oh, Charleroi, dépasser Charleroi, oh, alors. Ouais, du côté par ouais. Ouais, bah c'est Charlouze quasi. Mais j'ai grandi à Charlouze, Charlouze. Enfin, près du barrage de l'Oder, sinon il y a Serrefontaine. Ouais. Oui, c'est ça. Ça m'a toujours fasciné. Et tu es de Serrefontaine, alors? Serrefontaine, oui. Eh ben, tu sais quoi, j'admire le barrage de l'Oder, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a moyen de faire du jet ski. Ah ouais. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant de ça, il y a moyen de faire du jet ski là-bas, ouais. Ouais, et mais tu t'en penses là que. Beaucoup. Ouais. Vive l'odeur. Non mais t'as un gilet de sauvetage. Eh, c'est pas vrai, je te jure, j'ai été plein de fois dans le lac, tout va bien. Mais faut faire gaffe hein, parce que les algues elles sont hautes et il y a plein de gens malheureusement ils ont déjà eu des problèmes là-bas si jamais tu vas nager dans le lac de l'odeur. Non mais tu sais c'est l'été et tout et tout le monde se dit ouais viens on va dans le lac de l'odeur, c'est méga dangereux. Ah ouais. Il y a des algues montantes qui vont qui sont quasiment qui ont 5 mètres de haut et si jamais tu nages dedans bah, tu t'enfiles dans les algues, t'es accroché et tu meurs en fait. C'est... J'espère qu'il y a des panneaux autour du lac. Blindé, t'inquiète pas. Du coup le moteur de ton jet ski. Bah pareil, un jour j'étais faire du jet ski et il y a eu plein d'algues dans le moteur, truc de ouf. Mais Stéphanie, on va parler avec toi parce que toi, t'as triché grâce à des méthodes très spéciales. On en parle dans quelques instants, ça va? Oui, il n'y a pas de soucis. Formidable. Ouais. Reste là, ne bouge surtout pas. Et puis on a également Valentin qui est là. Salut Valentin. Yo. Valentin dans la maison. Valentin, une question. Est-ce que tu es le Valentin belge qui vit à Lyon? Non, pas du tout. Ah, parce qu'il y a un Valentin qui est belge et qui nous écoute à Lyon. Tu connais tout le monde. Et je sais que lui, il est français, là. Tu nous écoutes de France, Valentin, c'est ça? Oui, tout à fait, de Lille. Ah, de Lille. Ah, mais ça, c'est le Valentin de Lille. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Je fais les liens. Je sais qu'on a un Valentin à Lyon qui est belge et on a un Valentin à Lille aussi. Ok. Donc voilà, on a un peu de tout, c'est ça qui est cool. Valentin, toi aussi, t'as triché avec une technique très spéciale. On en parle avec toi dans quelques instants. Tout à fait. Alors j'adore parce que moi je vois les techniques à distance et je me demande mais comment ils ont fait, tu vois. Je vois la technique de Valentin, je la lis là. Je sais pas comment il a fait, les amis. Attention, dans cette émission, on va vous apprendre, on va vous peut-être donner des techniques pour tricher. Mais on déconseille, bien sûr. On est d'accord. Ça dépend. Bon, Nigel, je le regarde, je lui dis on est d'accord, je sais que je serais pas d'accord avec lui. On déconseille pas, frère. Lara, t'as déjà triché, toi? Très peu. Ça se voit, t'es pas une tricheuse. Bah, arrête de mentir, même les gens les plus intelligents trichent. Mais c'est pas une question d'intelligence. Alors, oui, c'est ça. Il paraît que tricher sans se faire prendre. C'est être très intelligent. Il paraît que c'est une technique très intelligente. J'avais une amie, la pauvre, c'était vraiment la meuf hyper intello, machin, jamais hyper droite. C'était une meuf qui venait de Chine. De Chine, et, ok, elle ouais. Elle était super carrée et tout, elle étudiait toujours tout. Et puis elle nous a vu un peu, tu sais, en mode ouais, tricher, machin, à son examen de rhéto. Elle a mal tourné. Elle a essayé de tricher. Elle s'est fait attraper. Ah non, mais les gens qui n'ont jamais triché, ça se voit trop sur leur tête. C'est la première fois qu'elle trichait toute sa vie. Et elle a eu 0 sur 50 à son examen écrit. La pauvre. Non, mais c'est ouf, parce que tu sais, les gens qui n'ont pas cette mentalité-là, ça se voit trop, et au moment où ils le font, ils transpirent, ils ont des grosses gouttes. C'est ça, genre ils sont rouges, t'as le prof qui juste il regarde un eye contact. On était tous choqués, genre toi. Je crois qu'il y a des. C'est ça, il y a des profs, à mon avis, ils grillent, tu vois. Ils regardent dans les yeux, et après, ils captent ça dans le regard, genre t'es en train de tricher. Avec les nouveaux, bien sûr. Moi, ils me soupçonnent toujours, hein. Ils m'ont jamais attrapé. C'est vrai, non mais ça se voit, t'es un tricheur toi. Moi j'ai une technique infaillible. Allez les amis, on en parle dans quelques instants. Ce soir au programme, Bébé j'ai déconné, Give Me Five et la Friendzone, mesdames et messieurs. Et puis on va également parler des peurs les plus débiles. Oui, parce que dans votre entourage, il y a certainement des gens, peut-être même vous, vous avez des peurs que vous estimez complètement connes. J'en ai une, il me reste une peur complètement idiote. Hein. Alors là, on en parlera tout à l'heure dans l'émission. On a également des figurines de chez Manga Brussels à vous offrir, des jeux PS4 et Xbox One. Les amis, Vince dans la maison. Panique à deux disco, ça s'appelle I Hope, et c'est tout de suite sur Énergie. Et merci à tous ceux qui sont connectés. Pour tous les nouveaux là qui n'ont jamais envoyé de message à la radio, je vous donne le numéro WhatsApp, le 0492-222-002. Bienvenue. Mama said, don't give up. a little complicated. All tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. Had to have high, high hopes for a living. Shooting for the stars, but I couldn't make a killing. Didn't have a time, but I always had a vision. Always had high, high hopes. Had to have high, high hopes for a living. Didn't know how, but I always had a feeling. I was gonna be that one in a million. Always had high, high hopes. Mama said, soir, dès 21h, dès 21h. She say, do you love me? I tell her only partly. Vince. 21h minuit. Vince est sur Énergie. Vince est sur Énergie. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Énergie. On est là pour chiller, on est là pour se poser et on est là pour parler de choses. Les examens, on y est, ça y est, vous êtes dedans peut-être pour certains, d'autres ça va commencer à partir de lundi prochain. Quelles sont vos meilleures astuces pour tricher? Les pires astuces également, on en parle dans cette émission avec vous là sur Énergie. 21h jusqu'à minuit, même plus si affinité. Et quand même, je me tourne du côté du WhatsApp parce qu'il y a eu beaucoup de messages, j'ai pas eu l'occasion de tout lire. Tania qui nous dit salut l'équipe, un conseil, ne jamais tricher. Message de Tania qui est envoyé là. Salut toute l'équipe, ça c'est possible de passer un petit coucou à toute l'équipe de la de nuit de la pâtisserie Cire à Kuckelberg. Merci de la part de Xavier. Ben, message bien passé, on les salue là. Oh, des pâtisseries, tu vois, ça y est, j'ai faim maintenant. Nuit, en plus. Ça veut dire qu'ils peuvent nous en apporter. Mais c'est vrai, ils travaillent en ce moment. Et ça vous dit pas de venir passer un petit peu voilà, on est quoi, genre à 20 minutes en voiture? Alors, si les tunnels, si les tunnels sont fermés, on est à 55 minutes. Mais non, mais la nuit, il y a personne. 2 heures. Non, mais je trouve, mais si, quand ils ferment les tunnels à BX. Et si jamais vous êtes de Charleroi ou de Liège ou n'importe quelle ville et que vous venez à Bruxelles le soir, enfin la nuit en semaine, méfiez-vous, les tunnels sont fermés. Mais ça vous prend trois fois plus de temps. Voilà, du coup quoi? Les gilets jaunes. Gilets jaunes. Gilets jaunes. Gilets jaunes. Et salut à la maison sur Énergie. Salut à toi, salut à Talia également qui est connectée. Yo, Céleste est dans la maison. Salut Céleste, bienvenue à toi sur Énergie. Il y a Moons aussi. Yo là, la team, comment ça va ce soir? Super. Moons est dans la maison. Et merci. Et merci. Il y a Francesco aussi. Salut, dernière nuit de boulot de la semaine. Motive avec vous. Bis à tous, toute la maison sur Énergie. Lol, Francesco qui envoie un message. Charlie qui est connecté là. Hey, j'aime bien vous écouter après avoir étudié. Ça veut dire que tu es là, que tu as fini d'étudier. Bah, bienvenue à toi. Maintenant, ça va être les conseils tricherie, c'est pas bien. Salutation numéro qui termine par 6505. Il y a Leïla qui m'envoie une vidéo, tiens. Vince est dans la maison, Leïla est dans sa camionnette. Génial ça. Et Leïla d'ailleurs porte un gilet jaune. Gilet jaune. Oh là, salut. Mathias également connecté ce soir. Ça dit quoi, Mathias? C'est vraiment génial, les gars. Continuez comme ça. Vous êtes une équipe de malades. Yeah. Non, parce que quand t'as dit le début de ta phrase, j'ai vu Lara qui a fait Mais même moi. Géniaux, en fait. Ouais, géniaux, ouais. Voilà. Merci, mon pote. Merci, Mathias. C'est super cool ton message. Big up à Peno qui est là. À Benoît aussi. À Najat. À Léa, là, qui envoie un petit message vocal. Vince est dans la maison sur Énergie. Et merci à toi. Il y a Zach aussi qui est là. Zach, d'ailleurs, c'est pas un gars Uber que vous avez emprunté, toi et Nigel avec Eddy là. Oui, il a fait un jeu ce soir. Merci. De chelou. Hello Vince, j'ai une phobie des fourmis au point de partir en courant. Célia, eh ben Célia, on en parle tout à l'heure de ça. Merci à toi pour ton message. Des fourmis. Ouais, je connais des gens, ils ont peur des fourmis aussi. Laisse tomber. Et il y a un autre Vince qui est connecté là. Serait-il possible de faire un petit coucou à tous les chauffeurs frisailles? J'espère que j'ai bien prononcé. Et bonne nuit. Ben voilà, message passé. Et Guillaume qui me dit salut Vince, en cours de français avec mes potes, nous avions fait un genre de langage des signes pour se filer les réponses. C'est intelligent ça. Créer ton propre langage. Oh, c'est chaud. C'est méga intelligent, mais c'est vrai que c'est chaud. Bon, il faut un peu connaître la matière quand même. Du bien coup, sûr. Alors, un et à une grosse interro, résultat, on n'a pas du tout compris. 21 sur 80. Je me suis fait niquer. Et mais l'idée d'inventer ton propre langage, c'est pas mal. Il y avait un mec, par exemple, dans la classe, il écrivait en arabe. Et il mettait ça dans un journal de classe, etc. C'était son copion, mais en arabe. Oui, et le prof passait en disant c'est quoi. Et lui, il disait ah non, mais ça, c'est mon père qui m'a donné ça, c'est une prière pour réussir mes examens. Et le prof a fait ok. Et le mec, il est un peu con aussi, sans pression, il il a tout recopié, tout ça, il a traduit. Mais c'est pas bête, parce que c'est vrai que c'est une écriture différente, tu vois. Mais normalement, tu peux rien avoir sur le banc. Non, t'as pas ton journal de classe. Ça dépend. Là, à l'époque, les amis, c'était autorisé. C'était un nom de grâce. À l'époque, tout était corrompu. Voilà. C'était tranquille. Il y a Gamzou, il y a Hello la famille, il y a Isor aussi, Thomas là qui est connecté. Il y a vraiment beaucoup de messages. Hello la famille, vous allez bien? Ça va Thomas. Et merci Thomas de nous envoyer une photo avec une plaque d'immatriculation. Je vous la montre. Tada. Énergie. J'adore. Et si vous voulez des plaques d'immatriculation énergie, photographiez-les s'il vous plaît. 475. Hein. Non, mais non, fallait pas donner les chiffres toi aussi. T'imagines, il y a un policier qui nous écoute, il va dire par curiosité, tiens, qui est une plaque énergie? Il y a Rama qui est là, Florian, Jas, Montfort. Des nouvelles du chinois à vélo. Il est bien arrivé, on va vous faire un petit topo à un de ces quatre là. Et Guillaume qui me dit. Mais si vous êtes chaud, lundi soir, je vous apporte un number cake maison. Ils sont trop beaux et trop bons. Quoi, elle a dit? Un number cake. Ah ouais, je crois que c'est ça. Lundi soir, je vous apporte un number cake maison. Un number cake. Ah, avec un chiffre, quoi. Ouais, ah, c'est possible. Mais quel chiffre? Ouais, ou alors un number cake. Ah, un hamburger cake. Je sais pas. C'est peut-être un cake en forme de hamburger. Ça, ce serait trop bien, ça. Ah ouais, vraiment, ouais. Dans la maison. Hey, yeah. Et Isor qui nous dit gilet jaune, t'es mal les gilets jaunes, faut danser petit. J'adore ce qu'elle m'envoie, voilà, merci. Faut danser petit. Et Emily, on va parler des phobies juste après. On récupère Stéphanie dans le standard là, elle attend, parce que nous aussi on attend, on veut savoir un petit peu quelles sont les techniques de triche que vous avez fait ou que vous faites encore. Stéphanie, tu as quel âge? Je t'ai pas demandé. J'ai 29 ans. Très bien. Donc l'école, c'était il y a longtemps ou il n'y a pas très longtemps? Université, je ne sais pas. Oui, il y a 10 ans. D'accord, t'inquiète pas, moi aussi, hein, j'en ai 32. Donc, Stéphanie, comment t'as triché toi? Raconte-nous tes techniques. Ben, j'avais fait un copion et je l'avais mis dans ma chaussette. Ah, le copion dans la chaussette. La chaussette? Mais oui. Mais quand tu te diriges vers le copion et tout, c'est... Ben, il n'y a rien. Je veux dire, on voit que tu... on voit rien puisque j'ai mon pantalon et je mettais ma jambe sur l'autre jambe. Je tirais le copion. Mais pas bête du tout. Et quand le prof arrivait, je redescendais le pantalon, semblant de rien. Attends, j'essaye, je me mets en position... Voilà, mais que ça marche de ouf. Mais les jambes. C'est impossible, frère. Moi, déjà, juste, je me mets dans l'auditoire sur une chaise, je prends 3 places. Ouais, attends, c'est compliqué de croiser les jambes. Mais par exemple, regarde, je croise mes jambes, tu vois. Je vois ma chaussette, elle est distincte. J'imagine qu'il y a un bureau. J'ai juste à regarder discrètement, je tire ma chaussette. Et si le prof arrive, hop, je lâche la chaussette. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me fouiller? Tu peux dire non, tu peux pas me toucher. Mais c'est vrai, en plus. Un truc de ouf, ça, cette technique. Tu me touches. Et Stéphanie, t'as fait ça une fois, deux fois, souvent? Oh, souvent. Je faisais souvent des copions où j'étudiais jamais. Oh, et t'as réussi? J'ai réussi. J'ai été diplômée et tout ça. Et tu travailles dans quoi? Ah, oui. Je suis éducatrice à deux. Bon, voilà, formidable. C'est quoi ça, éducatrice à deux? Aleuse. Ah, aleuse. Ah, je pensais moi aussi, j'avais compris à deux. À deux? Non, c'est... à deux. C'est à deux. Ça veut dire quoi? Ah, à deux. La lettre A et le chiffre 2, ça veut dire quoi? Oui, c'est ça. Ben, ça veut dire que c'est pour. Que j'ai pas fait une école en plus, quoi. J'ai le diplôme de base. Ah oui, d'accord. Ah, comme ça, elle s'en fait précise, t'es pas aussi intelligente que tes copions, toi. Ouais, et ça aurait été ouf qu'elle nous dise j'ai triché. Et au final, je suis au chômage. ça aurait été drôle. Stéphanie, en tout cas, merci pour cette technique. Technique validée par Team Nigel. Team Nigel, oui. Voilà, parce que Nigel a ses examens. Il commence quand tes examens, Nigel? T'es encore étudiant. Ça a commencé, frère. Mais non, t'as des oraux, mais les écrits. Mais les écrits, là, enfin, il y a les écrits de langue qui arrivent, là, semaine prochaine. Ouais. Et puis après, je commence le 7 janvier, jusqu'au 22. Donc, ça va, en semi-vacances. C'est quand les vacances? Le 21, là. C'est là le 21, on a le temps, d'ici le 21. Il ne reste qu'un jour. Vite le 21. Voilà, donc le 21, il va étudier. Le mec, il dit vivement le 21, il va étudier, tu vois. Ouais, mais c'est juste pour ça. Hein. Le jour de Noël, on va Et je précise qu'il commence ses examens le jour où on a notre rentrée, tu vois. Ça va être super, ça. Oh my god, tu vas morfler. Je vais morfler, vous n'allez pas me voir. Prends des techniques maintenant, tu vois. En plus, contrôler un auditoire de 800 personnes, c'est chaud quand même. Ah, c'est 800 personnes. Quand tu montes, il n'y a plus 800 personnes. Ah non, c'est vrai. C'est en première, ça. En première, il y a 800 personnes, mais après, ça double et ça rate et ça arrête. Après, t'as 3 personnes. D'accord, ok. On fait un bisou à Stéphanie quand tu veux dans l'émission. Merci, ma chérie. Ouais, bisous, merci. Merci pour ta réaction. Bisous à toi. Valentin, là, qu'on récupère. Valentin de Lille en France, nord de la France. Valentin, c'était quoi ta technique, mon pote, pour tricher? Dis-nous tout. Alors, moi, ma technique, il faut être bon, les gars, parce que sinon, si vous faites cramer, vous êtes mort. C'est changer l'étiquette d'une célèbre marque d'eau et mettre, en fait, sur cette étiquette. Donc là, c'était pour le bac physique-chimie. Et tout simplement, avec quelques potes, on s'est mis tout simplement le tableau périodique des éléments, le célèbre. Ah oui, de Mendeleïev. Mais t'as le droit d'avoir une bouteille d'eau sur ton bureau?

Oui, je suis toujours là, toujours dans la maison. Valentin, voilà. Zan, Valentin, avec sa fameuse technique de la bouteille d'eau, toi. Est-ce que tu as essayé d'autres trucs pour la triche un petit peu? J'ai essayé pas mal de trucs. À un moment, on devait mettre, tu sais, le smoking avec cravate. Ouais. Bah, à l'arrière de la cravate, les gars. Pas bête non plus. Mais attends, mais franchement, intelligent, lui. Le mec, il a des idées de ouf. Hein. L'arrière de la cravate, c'est pas t'as bête. Quoi, t'as un master en tricherie ou quoi? Mec, tu retournes. Non, master en cravate. Vince, est-ce que t'as déjà pensé à Blacklight? Oh, purée. Qu'est-ce que c'est? Oh, y a ah ouais. Oh là là, alors, franchement... Franchement, en plus, je suis étonné, c'est une meuf qui m'a écrit ça. Alors, tu sais, genre, les meufs, non, mais pas du tout, les meufs peuvent avoir de très bonnes idées, mais Jennifer m'a écrit la black light. Et c'est vrai que c'est pas bête, la black light, c'est la lumière noire. Vous savez, c'est trop flag, non? C'est des sortes de. C'est une lumière bleue, en fait, que lorsque tu l'appliques au-dessus de quelque chose, texte. Elle révèle un texte. Elle révèle un texte, oui, mais... qui est écrit en blanc. Mais donc, imagine, tu écris blanc sur blanc. Mais et après tu peux... Mais c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir tout simplement une petite lampe comme ça en main et tu passes au-dessus, puis tu peux lire tes réponses et dès que le prof passe, il peut plus lire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va encore approfondir le truc avec Rocco dans quelques instants. On te remercie, Valentin, quand tu veux. Hein. Y a pas de soucis. Alors, ouais. Bisous, au revoir, Valentin. Au revoir, on arrive tout de suite sur Énergie, bougez pas. Interagis en direct avec Vince sur Énergie avec WhatsApp. Diego est de la maison sur Énergie. Tarek est dans la maison. Jocelyne est dans la maison. 0492-222-002 0492-222-002 Bébé, je les connais à suivre sur Énergie, bienvenue. Chaque samedi, dès 10h, vous découvrez les hits les plus shazamés en Belgique. C'est le Hit Énergie. Hit Énergie. Le classement de vos 30 hits préférés les plus joués sur Énergie durant la semaine. Tous les samedis, avec Jérém et Khalid. 10h midi, c'est le Hit Énergie. Avec Vince sur Énergie avec WhatsApp. Laurine est dans la maison sur Énergie. Kevin est dans la maison sur Énergie. Naomi est dans la maison. 0492-222-002. Mais oui. 0492-222-002. Et j'adore parce qu'on m'envoie des messages là pour les techniques de triche. Vince, mon oreille de Bluetooth pour tricher. J'ai les cheveux longs donc c'est tranquille. Salut à Julien qui est connecté aussi. Antoine, Thomas, Quentin, merci pour vos messages sur le WhatsApp. On arrive. Bailame como si fuera l'ultima vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bébé. Taki taki, taki taki rumba. No sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, taqui, taqui.

Ça va et toi, tranquille? Ça va, mon pote. On va parler un peu entre nous là, des tricheries d'examen. On a encore Rocco et Lucas là, qui vont nous donner leur technique d'examen dans quelques instants. Zach, tout à l'heure, on va se faire le bébé, je les connais ensemble. On va téléphoner à qui ce soir? On va téléphoner à ma copine. Ta copine? Ça fait combien de temps que t'es avec ta copine là? Ça fait 2 ans. Ah. Et les choses se passent avec ta copine, tranquille, la vie est belle? Super bien, tranquille, franchement super. Jamais de dispute, rien, elle te voit souvent j'espère, parce que t'es chauffeur Uber je crois. Souvent, je vais pas mentir, non, pas souvent. Ah, quand on travaille beaucoup, c'est comme ça. C'est quand tu taffes, hein. Ouais, oui, effectivement. Un homme absent. Voilà. Et donc du coup, tu vas faire quoi comme blague à ta copine? Ben, je vais faire genre que je lui annonce que je l'ai trompé. Voilà, le classique, le classique. C'est un peu la base du bébé, j'ai déconné. Ouais, mais le bébé, j'ai déconné. C'est ça, ça peut être chérie, j'ai gaspillé tout l'argent de la maison, j'ai tout perdu au jeu. Le bébé, j'ai déconné, ce n'est pas forcément que sur du sexe, sur la relation. Hein. Ça peut être, voilà, je me suis battu, ou alors j'ai pas fait exprès, j'ai tué ta mère, tu vois, des trucs dans le genre. Ça peut aller loin, le bébé, j'ai déconné, vous savez, il n'y a pas que l'amour. Ok, Zach, très bien, tu vas piéger donc ta petite copine, elle s'appelle Selma, c'est bien ça? C'est bien ça. Super. Elle va le prendre comment, tu penses? Assez mal, je crois. Assez mal, ouais, bon, autant. Assez mal. Allez, hop là, merci. C'est parti, les amis. On va lancer ça juste après. Zach, reste avec nous, ne bouge pas. Et on va accueillir Rocco et Lucas dans quelques instants. Merci pour tous vos messages là, sur le WhatsApp. Il y en a vraiment des tonnes et des tonnes. 0492 222 002. Le message d'un de nos amis préférés de cette émission, par exemple. J'adore, j'adore. 5 Seconds of Summer, Youngblood sur Energy. Vince dans la maison. Takes one, yeah, you beat me at my own damn game. You pushing, I'm pulling away from you. I give and I give and I give and you take, giving you take. Young blood, see you want me, see you want me. And like it's the last goodbye. Then one of us gets too drunk and calls about 100 times. So who you been calling, baby? Nobody could take my place. When you looking at those strangers, hope to God you see my face. Alors nous, pour tricher en sciences et en maths fortes, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait toutes nos formules, toutes nos définitions et tous nos théorèmes dans la calculette scientifique.

et voilà, il suit l'émission en fond, il kiffe. Et... Mais on fait aussi un big up à tous les taximans, sinon ils vont se vexer. Bien sûr, c'est vrai, les taximans, à chaque fois qu'on parle d'Uber, ils font « Ah, mais nous, et nous !» Ils vont envoyer des mails ici. Vous inquiétez pas, là, franchement, on respecte tout le monde, on kiffe tout le monde et on fait selon les besoins. Bah oui. Bon, Nigel, il est pro-Uber. Mais parce que, frère, comment tu veux que je rentre quand je commande un collecto, il est jamais là. Moi, je t'avoue, voilà, pro-taxi, encore. Mais frère, je commande un collecto, il vient pas, après je rappelle. C'est peut-être ça, en fait. Exactement, non, franchement, les deux sont cool. Mais en tout cas, gros big up à Nassim qui est en train d'écouter cette émission en ce moment même. Big up. Dans son Uber, voilà, toi-même, tu sais. J'espère qu'il a filmé ça, lui. Hein. Profites-en. Hein. Ouais, profite. Et fais-nous moins cher les trucs en UberX ou Uber Black. Hein. Ouais, d'ailleurs, ce soir, viens me déposer gratuitement. Je savais que ça allait gratter. On arrive tout de suite sur Énergie, bougez pas, le bébé, j'y les connais. C'est également avec un autre chauffeur Uber, c'est incroyable. C'est incroyable, ils sont tous là, quoi. Vince, 21h minuit sur Énergie. Rejoignez Vince sur Insta, Snap et Twitter. Vince Radio. Vince Radio. Et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. Énergie Extravadance, la plus grosse fête de Belgique. Chaque samedi soir, dès 21h, c'est... Extravadance. Énergie Extravadance, votre émission club de référence. Vos DJ belges et internationaux mixent chaque week-end sur Énergie. Tu n'es plus sur les réseaux, tu m'as bloqué. Et tu penses que j'ai une autre à mes côtés. Toi tu t'es fait une raison sur un coup de tête. Et ça me tourne autour à croire que je suis coté. Mais je les envoie balader. Elles n'ont pas ton sourire, je leur ai dit sorry. Et depuis que je suis parti, ton cœur est balafré. Je passe mon temps à sortir, tu le vois dans mes stories. On n'a plus rien à se dire, dis-moi où j'ai faussé. Et je vois que tu fais ta vie, que dans la nuit tu brilles. Mais je te connais par cœur, tout ça c'est pas toi. Et je vois qu'on te courtise, dis-leur de rester tranquille. Non on n'est plus ensemble, mais t'es quand même à moi. Mais toi tu crois que je suis ailleurs. Que j'ai comblé le vide dans les draps d'une autre. Et moi je crois que t'es ailleurs. Que t'es dans ses bras. On s'est manqué, manqué, manqué, manqué. On s'est manqué, manqué, manqué, manqué. On s'est manqué. On s'est tout donné. Mon cœur est solitaire et le tien est ailleurs. De peu on s'est manqué. L'impression de mentir quand je te souhaite le meilleur. Sans dire un mot, on s'est tourné le dos. Comme deux inconnus quand on se croise en bendo. Tout est snapisé, je suis pas parano. Tu me surveilles sans cesse, mais surveille tes poteaux. Tant pis, on s'oubliera. Le temps nous dira si on a bien fait. Et si je te mens parfois, si je fais semblant, c'est que j'ai ma fierté. Mais toi tu crois que je suis ailleurs. Que j'ai comblé le vide dans les draps d'une autre. Et moi je crois que t'es ailleurs. Que t'es dans ses bras. On s'est manqué, manqué, manqué, manqué. On s'est manqué, manqué, manqué, manqué. On s'est manqué. Énergie, bienvenue, il est 22h04. Oh purée, j'ai raté le top horaire. Le soir, dès 21h. She said, do you love me? Tell her only probably. Vince. 21h minuit. Vince est sur Énergie. Non, mais j'adore. Vince est sur Énergie. C'est excellent, c'est excellent. Je pense le son, je pense le jingle. Il y a un message de Julien qui me dit 18 minutes. Attention! 18 minutes, n'est-ce pas Lara? 18 minutes avant 22h22. Tout à fait. Parce que les auditeurs, ils adorent nous envoyer 22h22, puisque c'est le chiffre préféré de Lara. C'est ce qu'on appelle un chiffre miroir, un chiffre parfait. Une symétrie orthogonale. Voilà, exactement. C'est le genre de truc que Lara, elle kiffe quand il est 22h22 et 22 secondes. Coucou à Chloé qui est connectée. Vince, moi j'ai une peur débile, c'est la peur du silence. Genre, si je suis avec des gens et qu'il n'y a pas de bruit, ça va. Mais si je suis toute seule et qu'il n'y a pas de bruit, je commence à stresser. Et tout du coup, j'écoute beaucoup de musique, voilà, pour ne pas rester dans le silence. Bisous, Chloé. PS, j'ai toujours pas eu ma photo. Chloé, on va essayer de gérer ça. Et heureusement, la radio est là pour te secourir en cas de silence. Et ça, c'est bien là. Coucou à Romain là, qui est connecté. Vince, salut. Moi, j'étais parmi les meilleurs de la classe. Et pour une fois, j'étais en galère. Et l'autre à côté était parmi les meilleurs aussi. Et puis, j'ai appelé le prof. J'ai triché. Il triche. Ah, j'ai pas compris. Je crois que. Il triche. Ouais, c'est possible parce qu'il y a son correcteur orthographique là qui a déconné là. Monsieur, il a été avec lui dans le couloir et sur ce temps-là, j'ai dit monsieur il triche. Oh, donc lui, il a été avec le gars dans le couloir et sur ce temps-là, j'ai regardé dans son cahier un coup de bâtard que j'ai fait là. Bon, Romain, ça c'est sûr que c'est un coup de bâtard. Ouais, ça, et on a Sarah qui est connectée aussi. Sarah, ça dit quoi? Ah zut. Maison. Ouais, bah depuis le début, ça va être mieux hein. Merde. Sarah et Soraya est dans la maison. Elle nous écoute toujours en couple, c'est trop sympa là. Davidson est là aussi et bisous à Edwin. Zach, est-ce que t'es prêt pour le bébé je les connais ce soir mon pote? Ouais, je suis là. Et ben ça arrive juste après Major Lazer avec Tovelo. Ça s'appelle Blow That Smoke. Welcome sur Energy. On est là, on est posé ce soir, pas mal de conneries à Friendzone tout à l'heure, le Give Me Five aussi, on va parler des peurs les plus débiles aussi tout à l'heure sur Energy. Welcome. Darkness bring out our emotions. Mix them up in that life potion. Lose my head for you. Countless times we catch the sunrise. Fix some scars we share with white lights. Lose my head for you. I got the keys to heaven now, blaze all around and they got my mind spinning. Keys to heaven now, bays all around and they got my mind spinning. I got the keys to heaven now, bays all around and they got my mind spinning. Suddenly doors just open wide. Doors open wide. En direct, appelle maintenant le numéro gratuit 0800 23456. 0800 23456. Mais oui, il suffit de nous appeler les amis, 0800 23456. C'est Thibaut Eddy qui décroche à vos appels. Et bien sûr, on est en direct avec toute la team Vincent. J'espère que ça se passe bien. On est en train de se poser une question. Oui, quoi, laquelle? Est-ce qu'un coq, c'est un pénis? Pourquoi vous posez des questions? Parce que lui, il a fait une blague en disant, je sais pas, je vais aller dans la forêt faire un coq. Alors attends, je pense pas qu'ils ont un pénis comme les mammifères, mais je crois qu'ils ont un pénis. Et puis lui, il me dit, non, il baisse pas les coqs. Mais si. Bah si, avec les poules. Bah bien sûr que oui. Mais est-ce qu'ils ont un pénis? Bah oui, je crois qu'ils doivent avoir une forme de pénis, quoi. Je pense. Bah si, déjà des lézards en ont un, les reptiles. Les reptiles, ils en ont. En plus, la tortue, elle a une, un pénis en forme de, je sais pas moi, de raie. Ah ouais, ça dégoûte. De raie manta. Oui, mais en fait, il est, c'est long et puis il y a un triangle au-dessus comme ça. Ah, c'est dégueu. Hein. On dirait une queue de diable. C'est comme nous quand tu regardes. Bah non. Juste que eux, c'est pointu. Eux, c'est plat et pointu. Nous, c'est arrondi. Enfin, j'espère en tout cas. Si chez vous, c'est pas arrondi, c'est qu'il y a un stress. Ah, moi, les carrés. Toi, c'est carré. Ah, c'est carré. Mais ça, tu vois, c'est parce que t'as laissé un Lego dans ta bite quand t'étais petit, tu vois. Donc ça a pris la forme. Putain, je me suis introduit un Lego. C'était vrai ça. Oh, Nano, qu'est-ce qui se passe, Nano? Salut, Nano. On est là, à nouveau. On est content que vous soyez toujours en antenne. Bien sûr. Merci pour les belles soirées. Oh. Et comment on dit, Nato, il est dans la maison. Sur énergie. Et coucou à Analou qui est dans la maison aussi, qui a été envoyé là. Salut Vince, gros big up à mon meilleur pote Yanis qui a triché une fois dans sa vie et qui s'est fait gauler. Et ben voilà. Incroyable. Non mais le sujet était merveilleux. Hein. Vous avez eu plein de réactions. J'ai pas eu l'occasion de tout lire, mais en tout cas, c'est super cool là. Zach, c'est parti mon pote. C'est à toi de jouer là. C'est prime time pour toi. Il y a tes collègues qui écoutent. Hein. J'ai reçu plein de messages de gens qui sont chauffeurs Uber qui sont en train de t'écouter là en ce moment. Hein. C'est bon ça. Voilà, comme ça tu sais. Et même des taximans qui disent bon ben j'espère que sa meuf va le plaquer à ce sale Uber. J'adore les fans qui se font. Un petit message pour les taxis. Allez tous vous faire enculer. Non, non, non. Ah putain Zach, tu nous mets de la merde. Arrête, toi aussi, nous on est neutres dans cette histoire là. Enfin, moi je suis pas neutre dans cette histoire. Moi je suis taximan et Nigel lui il est Uber. Moi voilà. Je suis pour ceux qui ont des applications. Et puis bon Thibaut et Eddie ils sont Stib. Voilà, ce qui est toujours très très bien aussi. Hein. Ouais, moi je suis pour ma bagnole. Voilà. On salue la Stib. Bon, il a pris un Uber, il est monté avec moi. Ouais, j'ai entendu ça. Ouais, respect. Voilà, il paraît que vous avez fait la fête. Arrêtez quoi. Attention mesdames et messieurs, je crois qu'on a des messages qui arrivent sur le WhatsApp. Ça nous dit. Petite PD du beurre. Voilà, je savais, voilà. Ah, ça y est. Mesdames et messieurs, c'est parti. Ma bite, petite salope. Non, mais non, arrêtez là. Mais Zach, je t'aime bien, toi. Et j'ose pas dire. Ah, ça y est, il y a Mickaël Taximan qui a envoyé un message, attention. Ah ouais, toujours Uber. Faut pas oublier les autres taxis. Moi, je suis là aussi. Tous les soirs, j'écoute Taxi Service en Force. Et merci. Voilà, merci. Attention parce qu'il a mis un deuxième message. Vas-y, Uber. Viens chez moi, Charleroi. Tu vas repartir sans tes pneus. ça commence là. Il commence à y avoir des messages là. Vin, je suis un taximan et je l'emmerde, le Uber là. Oh voilà. My god. Et moi, je salue Nassim qui se trouve dans la rue. J'adore parce qu'il est. Oh non. Boulevard Auguste Reyers. À lui. Oh, il est gros le boulevard Auguste Reyers, ça va. Bah ouais. C'est pas comme s'il y a des taximans qui vont dire hé les gars, attention, il y a Uber au boulevard Auguste Reyers, il faut le choper. De toute façon, ils se croisent tous les jours, ils savent très bien que quand il y a un T devant une voiture sans truc au-dessus de taxi, c'est bon, ils savent. Voilà, exactement. T'as une plaque spéciale. Ouais, c'est T-Lab et en fait, ça veut dire taxi limousine. Voilà. Et TX, c'est juste taxi. Et bisous de nous, jeudredi, là, c'est parti. Et regarde, on nous écoute dans des conditions. Attention, Nigel, il va se chauffer, là. Waouh! Voilà. Oh. Doucement, Nigel, qui doucement. Eh, hey, mais là, t'as vu ça? T'as vu ce que je peux mettre? De quoi est-ce que tu peux mettre? Entre deux, comme ça. Reste au calme, Nigel, attends, s'il te plaît. Elles sont trop belles, c'est qui? C'est deux charmantes demoiselles qui nous écoutent t'as dit en quoi, ce elles moment. Sont belles. Elles sont hyper belles. Mais elles sont archi moches. Mais Nigel, mais alors là. Franchement, va chez Pearl ou un truc mais dans non, le genre. Mais après, mais je suis... va faire ta nouvelle monture, c'est pas possible. Mais frère, t'as été chez qui faire ta monture? Bah, moi, c'est de qualité. Moi, c'est Ribeye. Je ne crois pas que tu connais, mais c'est pas mais grave. C'est sûr, j'irai pas là-bas parce que la tête d'homme, regarde l'autre, elle ressemble à un pistolet. Un pistolet. Et l'autre, on dirait une canette écrasée. Il est encore fin, lui. Mais non, mais Nigel, attends, sérieusement, il y a un moment donné. C'est ça, on dirait une canette écrasée. Attends, mais est-ce qu'on peut amener un miroir à Nigel? C'est un déstockage, son truc. C'est possible. Les filles, faites pas gaffe à Nigel, il est con, comme ça, vous savez. Nigel, t'es trop jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Quoi? T'es elle, ça faisait quoi, taxi limousine? Ah, qui vont se faire enculer, roule avec des V, Opel Astra, tapons, dis-moi, on se fait de ça. Oh my god. Et voilà, je vous l'avais dit, ça fout la merde là. Dès qu'on se met à parler Uber et taximan, ça se cache dans tous les sens là. Mais hey, restez calme, bon sang. Ça, par contre, il a raison. Hein. Parce de que TL, ça veut dire taxi limousine, et c'est vrai, parfois, il y a des vieilles Volvo, genre en mauvais état et tout, qui te conduisent. Hein. Il a raison, je suis d'accord avec lui. Mais t'as vu ta gueule, gros? En plus, t'es gros, quoi. Non, bon. Oh. Mais savoir quoi, gros, t'as des boutons partout sur ton front. Et il veut quoi, lui? Ouais, dédié ma classe de 3 TQ électromécanique à Saint-Joseph Usé. Yeah, électromécanique est dans la maison. Merci, Thomas. Bon, allez, c'est parti. Zach, qui s'y colle ce soir dans le BBG déconné? You ready, manga? Allez, on voit. Eh ben, c'est parti, on envoie. On appelle tout de suite Selma pour le BBG déconné. On écoute ce qui se passe. On coupe nos micros, bien sûr. Et on assiste à ce bordel. En espérant que ça décroche. Allez. Allô. Yes. Allô. Oui. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Tu fais quoi? Moi, je m'appelle un inconnu. Je t'appelle avec le numéro du boulot. Mon téléphone est tombé à plat, je suis en train de charger le numéro du boulot. Donc tu t'as sonné là. Qu'est-ce que tu fais? Chez moi. Bien, bien. Ça va? Bah du coup t'es au boulot. Bah ouais, donc tu t'as sonné, je me suis mis sur le côté. Je me suis mis en ligne. Ok, cool. Tranquillou quoi. Je sais pas comment te dire. Il y a un truc que je dois te dire, mais je sais pas comment te le dire en fait. Quoi? Comment te le dire? Par où commencer d'abord? Bah, dis ce que t'as à dire. Ouais, je vais te le dire d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que je t'appelle, mais comment te le dire? C'est délicat. La blague. Délicat. Y a rien de délicat en fait. C'est pas non, du tout. Ouais, c'est très bien qu'on se dit tout, mais là c'est délicat quoi. C'est pas, tu dis pas des trucs comme ça quoi, tu vois. C'est pas facile quoi. Ok. Donc, je vais d'abord t'expliquer la chose. Voilà, en fait, la dernière fois, j'ai pris une cliente. Et elle était montée, je sais plus, je crois que c'était vendredi ou bien samedi, un truc comme ça. Je faisais la nuit, donc du coup, elle était montée devant. Ouais. Et on a commencé à chatter avec moi et tout, on a commencé à parler et tout. Ouais, normal, là, tranquille, bien. Bah ouais, normal. C'est normal, elle monte à côté de moi, elle parle, c'est une cliente, c'est bien, comment ça se passe ça? Du coup, voilà, puis on arrive à destination. On arrive à destination, ben... Voilà quoi. Elle m'a fait des avances et... Pas te mentir, j'ai craqué quoi. Pardon? Je préfère te le dire quoi. Non, moi je te le dis. De quoi tu dis quoi? Ben moi, je te ça le dis. Ça veut dire quoi, elle m'a fait des avances? Ça veut dire quoi, ça, déjà? J'ai craqué, c'est une blague? Mais non, c'est pas une blague. Je suis sérieux, sinon je t'aurais pas appelé, je me serais pas mis en ligne. Tu sais très bien que ça bouge, je t'appelle jamais. Dire, genre normal. Oui, elle m'a fait des avances, j'ai craqué. Mais t'es quel genre de gars, en fait? Tu fous ma gueule? Je préfère te le dire, je vais pas le garder comme ça, quoi. Mais et, donc tu me dis normal, genre t'es fier? Ou ben ouais, je le dis... Non, c'est même pas que je suis fier ou quoi, je t'appelle, je te le dis, parce que voilà, quoi. Et quoi? Non, mais c'est une blague. C'est pas sérieux. C'est pas une blague. Genre, non, c'est sérieux, genre sérieux. Meuf, elle vient, elle arrive, enfin, je sais pas. Et t'es aussi con que ça, en fait. Non, mais voilà, ah, oui, quoi. Why not, non, mais... Écoute, écoute-moi d'abord, elle était pas mal. Ah non, je dois t'écouter. C'est moi qui t'inquiète. Ok, je dois t'écouter. Vas-y, termine. Je vais pas te mentir, la meuf, elle est bonne, elle t'a fait des avances... Elle passe la main sur toi. C'est ça qui tu parles là? Ouais, c'est ça qui je parle. Et tu parles comme ça, genre dans tout grand décalme. Je te dis quoi? Je t'explique la chose, comment ça s'est passé. Ouais, vas-y, explique. Parce que tu parleras pas longtemps, je te le dis. Vas-y, explique, ouais. Donc, voilà quoi. Elle a posé sa main sur moi et tout. Puis, ça s'est terminé à l'arrière. Okay. La voiture, elle est grande, il y a de la place à l'arrière. Oui, bah oui, bien sûr. C'est grand, joli. Je te cache rien. Et tu t'as. Quoi? Tu caches rien, genre c'est normal. Ça, c'est une réaction normale. T'aurais préféré que je te le dise pas, c'est ça? Mais j'aurais préféré que tu le fasses pas, en fait. Je sais pas, à un moment donné, il faut réfléchir. C'est vrai, mais t'es. Quoi? C'est un animal? C'est un animal, t'es un chien? Bah oui, t'es un chien. Dans tous les cas, t'es un chien, oui. Écoute, il est 4h du mat. Il n'y a pas écouté, tu rentres chez toi, il est 4h du mat, tu rentres chez toi. Je termine pas 4h du mat. Je ne sais quoi dans la rue, enfin, à un moment donné, je sais pas. Écoute, et tu veux que je dise quoi en fait? Je termine jamais à 4h du mat. Tu veux que je te dise quoi en fait? Non, moi je t'ai dit. Non, c'est pas grave, mon chéri, mais attends. C'est une blague. Quoi, on va arranger les choses, tranquille, hein, c'est bon, on gêne. Mais oui, mais bien sûr, tu vas arranger beaucoup. Ben oui, tu vas foutre ma gueule. Toi, j'ai juste déconné. Tais-toi, je parle, ferme-la. Ferme-la. Regarde, ferme ta gueule, t'as pas à parler, ferme ta gueule, c'est tout. T'as pas à parler, t'as même pas à justifier. Comment t'as ça dépend de justifier? Ben t'as pas justifié, non. On écoute, justifie pas là, t'as merdé, donc c'est simple, ok, c'est terminé, c'est fini, merci, au revoir. Déjà, il n'y a pas à discuter, oui, comme ça, bien sûr, et je suis gentille. Merci, au revoir, au calme. Merci, au revoir. Alors toi qui comptes préparer un mariage, tu peux oublier, déjà, merci. Attends, on va arranger les choses, il y a toujours moyen de discuter. On va rien arranger du tout, ce numéro, c'est la dernière fois que tu vas l'appeler, ça c'est une chose, parce qu'à un moment donné, non. Regarde, parce qu'en plus, la fille, elle est en question, et je vais pas te mentir. Si j'ai pas eu de bol, je suis encore tombé sur elle aujourd'hui. Mais c'est bien. Donc, du coup. Faites la paire. Deux crasseuses, vous faites la paire. Super, c'est génial. Allez. Et que ce que je te dis, moi, tu sais très bien comment ça se passe. Une course, elle tombe, j'accepte, je vais chercher. Tu crois que c'est qui va aller chercher, eux, quoi. Va-t'en. Y'a pas, je discute pas. C'est une blague. Écoute-moi, la meuf, je vais pas te mentir, elle est avec moi, quoi. Ouais, mais c'est bien. C'est bien. Super. Donc, moi, tu le dis devant elle, tu vois, donc... Et quoi, donc tu le dis devant elle, ça veut dire quoi ça? Oh oui, mais je te casse rien, je dis devant elle, mais je vous emmerde, en fait, tous les deux. C'est-à-dire, tous les deux, je sais pas. Et là, ça savait que je sais plus parler, en fait, là. Je sais plus parler. Non, ça va. C'est la meuf d'abord, elle a vu ma gourmette et tout. Elle m'a demandé la signification, tu vois. Va te faire enculer, ça va? T'as compris? Non, c'est le temps de faire enculer. Je préfère enculer elle. Tac, c'est bon? Et en plus, elle est là. Mais je t'ai dit, je suis avec. Mais quoi? Et pourquoi tu m'appelles? T'es avec elle? Tu fous de ma gueule ou quoi? J'ai froid, je peux rentrer, sale pute. Pourquoi tu parles mal? Avec qui au téléphone? Tu veux que je parle bien, en fait? Tu veux que je te dise quoi? Et en fait, là maintenant, je suis choquée, déjà. Déjà, qu'elle ferme sa gueule. Déjà, c'est une chose, je suis en train de parler, elle la ferme, déjà. Non, c'est une chose. Attends, elle braque là. Bon. Non, en fait, c'est Zach. C'est bon. Ouais, non, je te rappelle après aussi. Oh, putain de merde. Non, mais t'as bien la chance qu'elle est pas devant moi, en fait. Zach! Mais c'est bon. Pourquoi tu m'appelles? T'es avec elle. Espèce de gros. Là, je suis dans la voiture, elle est en dehors, elle est en train de choquer, elle veut monter. J'en ai rien à foutre, je veux rien savoir. Niquez-vous bien profondément, c'est une chose. Et m'appelle pas, de toute façon c'est fini, donc au final, m'appelle pas. D'accord. C'est tout. Comment ça, c'est fini? Il y a toujours moyen de discuter. Il y a moyen de discuter, mais bien sûr. Moi, je suis arrivé, je vais lui dire. J'ai mieux. On va habiter à 3. Ça te va comme ça? On habite à 3, tous les 3, c'est mieux? Ce serait un putain de plan, je vais pas te mentir. Tu me le dis en foutant de ma gueule. En plus d'être un chien, t'es un bâtard, t'es un connard, t'es un fils de pute, et tout ce qui. Il y a plus de moi. Tu me proposes de dire quoi, moi? Je vais te dire non? Propose-moi alors. Zach! Ouais, c'est bien. Dis-lui que je suis. Attends, okay. Je vais le dévorer. Merde! Non! Elle a raccroché! Non, c'était pas du tout prévu! Elle a raccroché, on la rappelle tout de suite. Attends, est-ce que tu nous entends? Allô? Ouais. On rappelle Selma, elle a raccroché. Merde. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Dis-lui que je suis ok pour le plan A3. La tête de ma mère, qu'elle se fout de ma gueule. Mais elle se fout de ma gueule, en fait. C'est bon ou pas? En plus de ça, elle parle. Mais attends, passe-moi ce téléphone, vas-y, ouvre ta fenêtre, la merde. Non, qu'elle parle. Non, elle me parle pas. Allô? C'est mort. Selma? Non, qu'est-ce que tu veux? Mais en fait, j'ai envie de te rencontrer. Pourquoi tu me parles? J'ai pas envie de te parler. En fait, Zach, ta gueule. J'ai pas envie de te parler. Mais moi, j'ai pas envie de te parler. Mais ma sœur, j'ai pas envie de te parler. J'ai pas envie de te parler. Non? Ouais, c'était bien. C'est bien, t'es contente? Oui. Ouais, ça te fait plaisir, ça te fait du bien, c'est bien, c'est génial. Allez, maintenant, on va te faire foutre. C'est bien. Bon, écoute maintenant, regarde, Zach, chaque fois, il parle de toi. Je veux pas t'écouter. Elle se fout de ma gueule. En plus, elle se fout de ma gueule. Non, pas du tout. Heureusement que t'es pas devant moi. Parce que franchement, non, mais tu te fous de ma gueule en plus. Qu'est-ce que tu veux? Je veux te rencontrer, tu comprends pas? Zach, il arrête pas de parler de toi. Je suis d'accord, t'as dit que t'étais d'accord pour le plan A3. Mais tu te fous de ma gueule? Mais non! Mais t'es vraiment mal baisée, ma fille, c'est pas possible. Mais non, depuis que je connais Zach, non. Ah ouais. Franchement. C'est bien. Elle t'énerve pas. En même temps, j'aime bien quand tu t'énerves. Ah ben t'as rien vu. Là, t'as rien. Garde ta rage. Garde ta rage et on arrive tous les deux. Et comme ça, tu vas enlever bien, quoi. Ouais. Tu seras énervée, tout est belle quand t'es énervée. Putain de merde. Parce qu'en fait, on se connaît, hein. Ah, je connais, mais oui, bien sûr. Si, si, on se connaît. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Non, je crois pas. Si, ouais, je connais pas de salope déjà. T'es sûr de ça? Ouais. T'es sûr de ça? T'es sûr de ça? Mais oui. Zach, dis-lui. Zach? T'as autre chose à me dire? Alors, enfin, pour tout, t'as autre chose à me dire? Non, ça va pas se finir. T'es mais Zach, il t'aime! Si, si, oh, ferme ta gueule, toi. Écoute, tu sais très bien, celle-là, c'était juste. Voilà, c'était, je vais pas te mentir, c'était un vide-couille, voilà, c'est tout. C'était fait, ouais. C'était ce que je te dis. Ouais, bah oui, c'est ce que t'es. Oui, effectivement, c'est ce que t'es. Ouais, ça me dérange pas. Ouais, bah c'est bien. Mais justement, en parlant de ça, on peut venir à deux ou pas? Mais oh putain de merde. Mais viens, on va plus, non mais je sais pas, t'aurais pu prendre quelque chose. Au moins fais les choses bien. Bon, prends allez, dépose-moi au 775. 775. Ouais. Bah, attends. C'est bon, j'ai pas besoin de vous parler. C'est bon, je peux raccrocher. Non, attends, reste, on a un truc à dire. Non, oui, quoi. Bonjour monsieur, vous êtes disponible s'il vous plaît? Ouais. Monsieur. Monsieur Zach, là, j'ai... c'est vous, là, le Uber, vous êtes disponible, monsieur? Parce que, je sais pas, vous êtes occupé à parler, mais j'ai réservé l'application depuis un moment, là. Donc, c'est possible? Non, c'est possible, vas-y, montez. Ok, super. Ça va, là, vous avez passé une bonne soirée? Ouais, de dingue. Ah, bonjour, mademoiselle. Ouais. Ah, je savais pas qu'on était en Uber... Ouais, partagé. Uber partagé. Uber bonjour, poulet. Monsieur, bonjour. Bonjour. Bonjour. Vous avez pris Uberpool? Oui, tout à fait, Uberpool. C'est, tout à fait. C'est bon, je vous dérange pas, café, enfin, je sais pas, non. Monsieur Zach, c'est qui cette grognasse que vous avez au téléphone, là? Grognasse, et puis il y a un gros fils de pute qui s'est rajouté, allez. Faites pas attention. Mais c'est qui, c'est votre femme? Attendez, passez la voix. Non, je suis personne. Passez la voix. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, vous êtes sur Énergie en direct à la radio. C'est une blague. Bonsoir Selma. C'est une blague. Mais oui, c'est une blague. Mais oui, mais non, mais c'est pas drôle en fait, quand on est blague comme ça, genre. Zach, il est tout seul, il y a pas de meuf avec, mais enfin, bon, tout ça c'est à travers la radio là. Déjà qui parle comme ça. Mais c'est moi, mais alors. C'est non, mais franchement, c'est pas pour t'insulter, mais t'as franchement, elle fait grave, voilà quoi. Ah, merci. Je prends ça pour un compliment. Voilà, j'adore la phrase, la punchline. Voilà, donc t'inquiète pas, c'est Énergie, je m'appelle Vince, tu t'es fait piéger par Lara et voilà, et Zach, il a voulu un petit peu pimenter la chose, mais Zach. Ouais, ouf. Ah oui, alors là. Mais t'inquiète, il t'a pas trompé. Non, vraiment pas. Il a intérêt en fait. Juste avec moi. On a vu. T'inquiète. D'ailleurs, avec Nigel, t'inquiète de temps en temps avec Nigel. T'inquiète. Doucement. Oh, oulala. Ça peut être pire. Non, mais juste une question. Zach, il paraît que t'as fait un truc spécial là, en termes d'amour pour Selma là, récemment. T'as fait un truc où il faut quand même des grosses couilles là. Hein. Quoi? Il paraît que t'as été voir les parents pour demander, ouais. Pour demander quelque chose. Ouais. Et, wow. t'as fait quoi exactement, dis-nous? Vous rentrez. Et le 29, c'est le fiançaille. Oh là là. Bravo. Est-ce que je peux venir? Plein d'amour pour vous deux, les amis. Et invitez-nous de préférence. Hein. Ouais, et moi aussi. Hein. Voilà. Ouais, oui, mais surtout toi, j'ai te balayé. Mais tu sais ce qu'on peut lui offrir pour ses fiançailles? Qui a dit qu'elle allait la balayer? Oui, j'ai entendu qu'on pouvait m'offrir un truc pour mon fiançailles. J'écoute. Ah, t'inquiète pas, Nigel, effectivement, on balançait ça comme ça. Tu l'as bien entendu, Nigel, oui. Ouais, et ben pour les fiançailles, vu qu'il y aura un bon DJ, on balance une belle compil énergie extravagante. Ouais, voilà, allez. Non, mais blague à part, si vous avez besoin d'un DJ, il y a un nouveau duo. Merguez et Saucisse, c'est Nigel et moi, on a fait notre duo. Merguez, ouais. Et Saucisse. Voilà, ouais, bah, t'as bien coquillage et Bigorno avec Cyprien et Scusi. Donc voilà, nous c'est Merguez et Saucisse. C'est très bien. Ouais. Voilà, c'est notre. On va renvoyer un voyage de noces, je sais pas, moi, faites quelque chose. Y a moi ça là directement. Ouais. Ok, très bien. Voyage de noces à Morlan, oui. Allez, ouais, voilà, allez, boum. C'est bien lourd. Quelque chose de bien lourd, tu vois, vous avez failli casser le truc. C'est vrai, coup, c'est vrai. Rattraper, mais c'est pas nous qui allons casser, c'est ton mec. Zach a failli tout casser lui-même. Qu'est-ce qui se passe,

Dieu sait que je tremble. Tu dois te réveiller sans moi. Il est midi sur novembre. Nous ne partirons pas ensemble. Mon cœur a décidé pour toi. We'll be fine. We'll be fine, I guess. We'll be fine. We'll be fine, I guess. Il est midi sur novembre. Et le soleil peut te prendre. Que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Il est midi sur novembre. Nous ne partirons pas ensemble. Ton cœur a décidé pour moi. Say, do you love me? Tell her only partly. Vince. 21h minuit. Vince est sur Énergie. Vince est sur Énergie. Allez, soyez bienvenus sur Énergie. J'espère que tout le monde va bien. Si vous êtes du côté du boulot, courage, on est là pour vous. Courage aussi à ceux qui sont en train d'étudier pour leurs examens. Sale période, pas évident. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il y avait une grève bientôt là. Ah ouais? Ouais, parce que je dois aller dans une école à Verviers faire un petit coucou. Et en gros, on me dit: ah ouais, mais ce jour-là, il y a grève et tout. Ah bon? Comment ça, il y a grève? Grève de quoi? Je sais pas, attends, le vendredi prochain, on est le combien? Gilet jaune. Vendredi prochain, on est le 12. Ouais, le 12, grave, puisque demain, on est le 7. 14, ouais, pardon. Non, ouais, le 14. Ouais, grave, oui, 7, 14, je me suis bête, moi. Grève 14 décembre, je vérifiais. Ah ouais, putain, Google me le propose. Sérieux? Une semaine de grogne syndicale qui cumulera le 14 décembre. Qui cumulera le 14 décembre. Ah, il y a grève le 14 décembre, en pleine période d'examen. Grève générale? Ouais, grève de quoi, oui? Des actions de grève en front syndical, bah, c'est oh les syndics. Grève générale dans le secteur privé et dans le secteur public, les amis, bah, en examen, voilà, vous mais le savez. C'est toujours ça qu'on a en examen, c'est un truc de ouf. C'est drôle, on n'en parle pas trop maintenant. Et en fait, je crois que c'est plus dès lundi qu'on va en parler. Ouais, c'est ça, ouais. Non mais faites gaffe, hein. Et donc visiblement grève le 14 décembre, hein. Donc les transports et tout. Si vous aimez, vous avez examen, sortez le vélo. Ou alors, je sais pas si l'école va... Est-ce que l'école, ils annulent les examens parfois dans ce genre de situation? Non, ben, moi à l'UNIF, on a toujours eu ça. Genre chaque année j'ai ça, et ils annulent pas les examens. Oh, c'est relou. Parce qu'ils disent: ouais, vous le savez depuis longtemps, donc vous avez qu'à vous organiser, blabla. Excellent, quoi. Et les gars, vraiment courage. Julien qui me dit: pourquoi tu lis jamais? Mais Julien, j'ai vu ton message là tout à l'heure. Tu lis jamais mes notes vocales. Attends, c'est vrai que j'en ai raté une là. 7 minutes. Et là, t'as dit quoi? On a gel. On en parle du dilemme d'hier, 67% pour Laura. Ah ouais, pour Laura, le mec, c'est même pas dire Lara. Non, mais parce qu'il a un petit accent, il dit pour Laura. Y'a pas de problème. Laura. 67% c'est Lara. Wow. Ah ouais, c'est possible, ouais. Ah, mais j'ai pas été vérifier les scores, c'est vrai. Ouais, c'est je devais partager ça. C'est à quelle heure que j'ai lancé le dilemme? Attends, je vais aller voir ça, ouais. À 23h, un truc. Et quoi, ça fait 67 machin? Bah, regarde, je vais regarder. Ah, ouais, il est toujours disponible. Ouais, c'est ça, ouais. 67-33, ouais. Ah, allez, je vais prendre la photo. Partager les résultats. 67% de victoire lors du dilemme Lara contre Nigel. Bon, voilà, bah, je remets sur Insta pendant qu'il me reste encore 5% de batterie et j'écris: bravo, bravo Lara, voilà, petit message. Ah, mais non, par contre, elle est plus là ta photo, wesh. Si, moi je l'ai encore. Hein. Mais moi je l'ai plus, elle vient de partir. On va voir s'il va penser à me taguer. Voilà. Ah merde, putain, je viens de l'envoyer. Mais tu vois, je savais. Oh, mais vous voulez toujours être tagué, vous voulez gratter du like, gratter du fame. Ouais. Hein, non, incroyable. De... Je vais relancer un dilemme ce soir. C'est quoi que vous voulez comme dilemme, les amis? Et bravo, parce qu'au total, vous avez été 2000 votes sur le truc. C'est énorme, ça, dis donc. Oh, putain, c'est bien ça. Oh mon dieu, étrangement, j'ai fait mon record de. Ouais, d'habitude, ça tourne autour des 500. Donc c'est cool, quoi. Ah, mais chouette. Ouais, vraiment, c'est sympa. Cool. Merci, les amis. Vince, si le prof de maths t'ignore, on peut dire qu'il ne te calcule pas. Merci pour le message. On a Alison qui est là. Coucou, Alison. Coucou. Alison est toujours dans la maison ce soir. Tu viens de quelle ville, Alison? Saint-Hubert. Ah, mais tu es là, Alison, tu es la fameuse Alison de Saint-Hubert. Voilà qui fait plaisir. Bienvenue à toi sur Énergie ce soir. Et Alison, avec toi, nous allons parler avec d'autres auditeurs des peurs les plus débiles. Quelles sont vos peurs les plus étranges? J'ai déjà eu des messages genre, moi, ma peur, c'est Nigel, j'ai peur de le croiser dans la rue. Sérieux? Voilà. D'ailleurs, on t'envoie une note vocale, Nigel. Hein. Enfin, pas une note vocale, mais une vidéo plutôt. C'est celle-ci, là. Je te la montre. Voilà. Pas mal. Hein. Voilà, c'est. Ah, tu vois. Non, mais quand je dis pas mal, c'est la musique de Dadju, pas oh les meufs. Oh là là. C'est pourquoi, tout. Pourquoi c'est des demoiselles qui ont envoyé leur vidéo si à Nigel pour le like sur Instagram, Nigel Sanchez avec le tir. Tu vois, il gratte quand même l'Insta. Hein. Il va là, lui. Non, juste pour avoir des followers. Voilà, vrai. Bonsoir, l'équipe. Désolé du retard, j'ai pris mon service maintenant. Giuseppe est dans la maison. Sur Énergie. Yeah, c'est ça, même. Alison, c'est quoi cette histoire de peur bizarre que tu as, toi? Alors, moi, j'ai la pédiophobie. La quoi? La pédiophobie. La peur des pieds? La pédiophobie. Qu'est-ce que la pédiophobie? C'est quoi, ce truc? Tiens, tiens, ne nous dis pas tout de suite. On va essayer de deviner. La pédiophobie. Est-ce que ce serait la peur des chaussures? Non. La pédiophobie. Pédio? Ouais, je sais pas. La peur des pédiatres? La peur des pets? Des proutes? Ouais. Non. Mais généralement, ça vient du latin. Pédio, pédio. Pédio. Pédio. Non, mais vraiment là. Pédio 18. Qu'est-ce qu'il y a là, Lara? Je sais pas, ça peut être éventuellement la peur des pieds? Je sais pas du tout. Non. Est-ce que c'est la peur des enfants, on nous demande? Non. Non plus. Pédiophobie, oui. Alors, pédio, pédio. J'ai pas envie d'aller sur Google, la j'ai pas envie de tricher. La peur des enfants? Non, ça a déjà été proposé. C'est pas ça. La peur d'une cuisse? Alors, il propose quoi? Mais pédio, ça vient de pédiare et pédia, qui veut dire la route, sûrement. Donc, la peur de la route? Non. Non, j'ai tout inventé en fait. Il est con lui. T'es con. Sofiane. C'est la peur des couilles. KSR, il dit quoi? La peur de se voir dans le miroir. Est-ce que c'est ça? Non. La peur de flatulence, on nous a dit. Eugénie nous propose quoi? La peur des poupées. Hein? Ah. C'est plus ou moins ça, ouais. C'est la peur des poupées et de tout ce qui est mannequin, robot, etc. Sérieux? Ah, c'est une peur de j'ignorais qu'il y avait une peur, mais genre, tu te sens comment lorsque tu vois une poupée articulée, admettons, je sais pas moi, genre à jouer. Non, mais attends, on va commencer avec les mannequins. Les mannequins dans les vitrines, dans les magasins. J'ai très, très, très peur. Je n'ose même pas les regarder. Mais pourquoi? C'est une blague. Mais c'est vrai que dans les films d'horreur, souvent, on met des poupées, on met des mannequins. Tu sais, parfois, dans les greniers comme ça, des mannequins, on voit une ombre. Et ça fout la pétoche parce que t'as la sensation qu'elle peut bouger. Ouais. J'ai regardé un film, d'ailleurs, un nanar du Bangladesh qui m'a fait rigoler. Là. C'était sur Netflix, une poupée qui s'appelle Sabrina ou je sais pas très bien. Sabrina! Regardez pas, c'est vraiment naze. C'est pas drôle. Mais par contre, c'est vrai que c'est quand même flippant le moment où cette poupée se met tout d'un coup à tourner sa tête comme Annabelle, tu vois. Ah oui. C'est pas pour rien qu'ils ont fait le film Annabelle, c'est parce que c'est il y a des gens qui ont effectivement cette peur, mais j'avais donc, oublié. Donc toutes les poupées de porcelaine, tout ça, tu peux pas en avoir chez toi. Non. Ah. Non, c'est vrai que j'ai une collection moi. T'as une collection de poupées en porcelaine quand toi. J'en d'accord. avais plein, mais genre, tu sais, les poupées qu'il faut. C'est bizarre, t'es le genre de meuf à avoir ça, j'ai pas expliqué. Ouais, j'avais ça, ouais. Ouais, ça se voit, ta tête, je sais pas expliquer. T'es le genre à avoir des trucs en dentelle chez toi, carrément. Ouais, j'avais ça aussi. Oh, si, mais ça m'étonne même pas. Et Alison, est-ce que t'étais déjà retrouvée dans une situation? Comment est-ce que t'as découvert que t'avais cette peur-là d'abord? Ben, en fait, c'est arrivé en étant en stage dans une bibliothèque où il y avait un musée de Celt, en fait. Donc, où ils recyclaient tout ce qui était vieilles archives, etc. Mm-hmm. Et donc, du coup, on m'avait demandé d'aller ranger les livres. Et c'était aux heures d'hiver, donc vers 17h, il faisait déjà noir. Je n'avais pas pensé. J'étais dans le musée de Celt et je me suis retrouvée nez à nez avec un mannequin déguisé en homme préhistorique. Et je sais pas, je me suis retrouvée à avoir peur de ce mannequin-là. J'ai sursauté et depuis, c'est resté. C'est intéressant parce que Rama nous dit c'est la peur des fausses représentations d'êtres humains, plus exactement. Oui, c'est ça. Des fausses représentations d'êtres humains. Ouais, parce que les robots aussi, alors du coup. Donc, admettons, si t'as un robot devant toi, là, tu flippes. Enfin, en animatronique, quoi. Quelque chose qui peut prendre vie, quoi. Quelque chose qui peut prendre vie, ouais, ça me fait vraiment peur. Mais du coup, t'as peur ton téléphone, quoi. Bah non, parce que ça peut pas commencer à marcher. C'est pas la même chose. Moi j'aurais peur du cul de Damien, moi, pour ma part. Quoi, bon. Moi j'ai déjà peur. Tu vois, ça c'est le cri de la peur, ça. Didi, il a une petite réaction sur WhatsApp là, il nous dit quoi? Didi est dans la maison. Salut l'équipe, vous allez bien? Petit message pour Lara. Lara, c'est quand que tu refais tes canulars, madame maîtresse? Ah. Parce que voilà, quand t'étais sur l'autre radio dont je ne citerai pas le nom. Tu peux citer, on s'en fout. Franchement, c'était la partie c'était ma partie préférée, donc est-ce que ça a envisagé ou pas? C'est une très bonne question. Et c'est quoi que... pour les gens qui... En fait, Lara, dès qu'il y a cette musique qui vient... Fermez vos bouches. C'est... Voilà. Elle se métamorphose. En fait, Lara téléphonait à l'époque, on téléphonait à des pervers qu'on trouvait sur Internet. Et donc Lara les appelait et leur demandait de faire les chiens en disant voilà mon cliff à moi. C'est arrivé de manière extrêmement impromptue. Voilà. Nous avions appelé un hôtel et le réceptionniste a répondu très favorablement à mes demandes. Voilà. De là est né le personnage de Madame Maîtresse, de son prénom Bianca. Ça va revenir. Vous savez quoi, ça va partir des nouveaux jeux qu'on va faire prochainement. Allez, c'est parti. Où on va téléphoner à des pervers et en fait le but c'est de les faire aboyer. C'est bon. Ou téléphoner à des hôtels et les faire aboyer. C'est pas évident, mais Lara y arrive avec son personnage. God. Formidable. Et c'est cette musique qui fait flipper derrière, hein, pour ceux qui ont connu. Votre demande sera honorée. Et si vous ne connaissez pas et que vous avez découvert l'émission après le 27 août ici sur Énergie, bah soyez les bienvenus, les amis. Alison, est-ce que tu as tenté de te faire soigner par rapport à ça? Parce que peut-être qu'on a une idée pour toi, hein, une solution. Bah, ici, j'avais déjà pris contact avec quelqu'un qui est hypnotise. Ah oui. Des gens par rapport aux peurs, etc. Ouais. Et il m'avait répondu comme quoi il fallait se dire en soi, je suis guérie de cette peur. Des machins, etc. J'ai essayé et ça ne marche pas. Alison, on peut le faire demain si tu viens. On a Zenrila qui est ici avec nous à Énergie. Demain, Zenrila. Il t'a pas contacté, Nigel. Je l'ai eu au téléphone, hein, c'est confirmé pour demain. Moi, il m'a contacté, mais il m'a juste dit que je devais lui confirmer parce que toi, tu l'avais pas confirmé. Ah oui, non, mais je l'ai eu au téléphone, on s'est confirmé. Bon, bref, okay. Il vient demain, quoi. Voilà, bref, demain, il est demain. Voilà, non, ça va, d'accord. On se donne des briefs comme ça en direct. Ouais, au fait, tu sais, voilà, le paiement, il est pas passé, donc faut t'attendre 3 mois. Donc, en gros, Alison, Zenrila, si jamais t'as déjà écouté l'émission quand il était là, c'est quelqu'un qui travaille justement sur tout ce qui est peur, phobie et tout ça. Et ça peut être intéressant si maintenant t'es prête. Alors, t'as quel âge, toi, Alison? J'ai 21 ans. T'as 21 ans. Si jamais t'as la possibilité, parce que t'habites à Saint-Hubert, hein, ce qui est loin de Bruxelles, ouais, donc c'est bien loin. C'est pas évident, mais si t'as l'occasion de venir demain en studio, on peut aller nous trouver un mannequin. Ouais. On se fait l'avant et l'après. Et tu verras, il est capable d'enlever les peurs. Il m'a enlevé mon arachnophobie, Zenrila. J'étais arachnophobe de ouf. Sérieux? J'avais peur des araignées, je ne supportais pas et je pouvais pas être dans la même pièce qu'une araignée. Je mettais 3 quarts d'heure pour essayer de la faire déguerpir d'une pièce et tout ça. 1 heure de plus pour la faire déguerpir de la maison. Bah là, maintenant, je la prends par la patte, je la jette, je m'en fous. Et je les tue plus, tu vois. Avant, je tuais les araignées, mais je les tue plus. Ah bah oui. Puisque j'ai plus peur. T'as remarqué, on tue quand on a peur, en fait. Sérieux? Non. Ouais, non, tu fuis plutôt. Bah, je sais pas. Non. Quand... Ça dépend qui, en fait. Ça dépend quelle araignée. Les grandes, elles font pas peur, mais les toutes petites, là, comme ça. Les grandes, quand même. Un peu brunes, comme ça. Donc, Alison, je sais pas si demain t'as des disponibilités, on pourrait faire ça, hein, si jamais tu veux. Mais le problème, c'est que j'habite quand même à 2 heures de Bruxelles et. J'ai pas le permis. Chacun encore, ses problèmes. Non, mais bah, la gueule. Ouais, c'est vrai. Et puis, si tu viens en train, bah. Tu auras toujours peur des mannequins. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, c'est ça. Sinon, contacte-le. C'est zenrila.be. Ou alors, il est sur Instagram, Facebook. Ou alors, peut-être que Zenrila peut la ramener ici. Ici. Ouais. C'est-à-dire. Peut-être que c'est sur la route. Ouais, peut-être qu'il passe par Liège. Non, le gars, il habite, je crois, à Chaumont-Gistoux. Rien à voir. C'est quoi ça? Mais c'est quoi, il a dit, c'est quoi ça, là? C'est à côté de Wavre, Chaumont-Gistoux. Voilà. Enfin, c'est pas à côté de Tubize, ça n'a rien à voir, c'est un peu le projet. C'est en bas, quoi. Comment les Bruxellois s'expriment toujours sur la campagne? C'est incroyable, comment vous dites comme ça? La campagne, mais moi j'habitais là pendant des années, ouais. Ah bah ça va, je peux faire. Bon, allez, on va se calmer. Chaumont-Ghetto, ouais. À 10 ans, on te fait un gros bisou, ma chérie, on va essayer de trouver des solutions, ça va? Gros bisous. Bisous, ouais. À bientôt. Je suis malade, donc du mais coup. Non, mais t'excuses pas parce que t'es malade. J'espère comme une rachitique et. Qu'est-ce que Rachid a à voir là-dedans? Ouais, il est pas là, Rachid. Et Alison, soigne-toi bien, ma chérie. Un bon petit thé et au dodo, d'accord? Merci. Bisous, Alison. Tu vas guérir. Hein. Grave. On a Tony qui est là. Salut, Tony. Au revoir. Tony est dans la maison. Et ce soir, Tony, on va se mettre en mode Give Me Five avec lui. Il vient de Bourrin, les amis. Il va affronter Steven dans quelques instants. Vince, moi, j'ai la phobie de Nigel. Et il y a Eugénie qui me dit, Eugénie de Soigny. J'ai une cousine qui a eu ça jusqu'à son adolescence. Et quand elle a eu sa fille, ça a disparu, la peur, visiblement, là. Et Miguel aussi qui est connecté ce soir. Yeah! Marshmello. We can't take back. 'Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right. And I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else. Well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. So rejoignez Vince sur Insta, Snap et Twitter. Vince Radio. Et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. Welcome sur Energy, j'espère que vous avez passé une très bonne Saint-Nicolas, mesdames et messieurs. Oui, que. Et jeune garçon, bien sûr, et jeune pucelle. J'espère que la Saint-Nicolas était cool. T'as eu quelque chose pour ta Saint-Nicolas, toi, Nigel? Ouais, hier, de Lara, ouais. Ouais, on a reçu des bonbons de Lara, ouais. Effectivement. Mais sinon, ouais, non, chez moi, Saint-Nicolas. Rien du tout, t'as remarqué, Saint-Nicolas, c'est le truc qui part. Mais moi, j'aime pas les fêtes. Oh, t'aimes rien, toi. Mais non, c'est vrai, les fêtes, c'est nul, frère. Oh là, c'est hyper hypocrite si t'as envie de voir ta famille. Mais non, pourquoi c'est hypocrite? Parce que si t'as envie de voir ta famille toute l'année, si t'as envie de faire des dîners, tu le fais. Tu dois pas attendre Saint-Nicolas ou mais le Nouvel An. Mais parfois, c'est pas possible parce que les gens habitent dans des pays différents et c'est une occasion de se retrouver. Mais non, mais en fait, tu sais pourquoi? Enfin, les fêtes, généralement, elles sont pas. Bon, d'accord, à Saint-Nicolas, il n'y a pas de congé, mais quand c'est Noël, c'est congé. Pour la plupart des personnes. Tout le monde, tu passes mais plus pour... de temps. Il y a pour la plupart des personnes, que ce soit déjà toute la jeunesse, ils ont congé, ça c'est sûr. Il y a des gens au boulot, on leur donne toujours. Il y a le jour de Noël, il est congé. Bien sûr. Donc, ce qui veut dire que si tu as le jour de Noël, c'est le vendredi, donc ça te fait un long week-end pour ceux qui ont vraiment pas une semaine ou un truc dans le genre. Il n'y a aucune connaissance de réalité. Et donc c'est fait exprès parce que c'est le seul moment où quand tout le monde a congé tous ensemble, ben de se réunir tous ensemble pour un gros dîner de famille quand c'est Noël. Bah, moi je suis pas d'accord. Bah d'accord, et mais bon, toi t'aimes rien. Toi. Mais voilà. Ça a rien à voir avec pas aimer les mais gars. T'aimes rien, toi t'en as rien mais à foutre. Mais rien à voir et t'as pas d'avoir le voilà. Seum. Tiens, juste pour te foutre le seum, je vais passer la chanson de Saint-Nicolas. Voilà, parce que Saint-Nicolas, j'espère qu'il vous a offert des chouettes cadeaux. Dis-nous ce que vous avez reçu. Moi j'ai reçu un pull col roulé. Voilà. C'est vrai ah ouais, sérieux? Merci Saint-Nicolas. Oui, mais tu sais, col roulé, alors imagine, j'ai un collier au-dessus, donc quand je le passe, ça fait trop 90s, tu vois. Ah, wow. Ça fait un truc chelou. Mais Clan Street. C'est ton collier de la Military Run? Ouais, j'ai toujours. C'est incroyable, toi. Au grand Saint-Nicolas, patron des élus. Alors, je lis vos messages, qu'est-ce que vous avez reçu? Putain, mes oreilles saignent. Apportez-moi du sucre dans mes petits. Vince, elle est où la PlayStation de Nigel? Ouais, c'est vrai, hier, Nigel, toi, tu lances des trucs comme ça dans l'émission, là. Je suis pas au courant de quoi, ce qui se passe. Bah, participez, vous la gagnez, hein. Bah, attends, mais elle est où d'abord? Je veux la voir. Mais elle est chez moi, frère. Mais elle est chez toi. Mais vous faites trop les anciens. Moi, les gars, oubliez pas que je rentre pas chez moi la semaine. Ah, d'accord, il lui, hier, il dit dans l'émission, tu sais quoi, pour la Saint-Nicolas, je vais donner ma PlayStation parce que je l'utilise jamais. Bah, je pensais qu'elle a ramené. Mais depuis quand les cadeaux qu'on envoie, ça s'envoie genre le jour même? Bah, je suis ça, c'est vrai. D'accord. Il a pas je suis d'accord, mais bon, tu sais, c'est la Saint-Nicolas, moi, je veux la voir. Les auditeurs veulent la voir aussi, comme ça, on la voit en photo. Mais si vous voulez, comme je ça, la c'est mets pas sur... des couilles, c'est mais pas un montage Photoshop. Ben, je la mets sur mon Insta ce week-end, Nigel Sanchez _. Ok, tu sais quoi, voilà. On l'offrira quand elle sera ici dans l'émission. Il est malin, il veut gratter du like. Ben non, vraiment. Il y a un nouveau dilemme qui va arriver, dilemme Eddie et Thibaut, mais on va rendre le truc un peu original là. Alors, Eugénie nous dit quoi là, Eugénie? Petite dédicace à Rachid. Faut lui dire de raser sa barbe, hein, parce que franchement, il ressemble à rien. Qui? Un gars qui s'appelle Rachid, visiblement. C'est de la part d'Eugénie. Vince, ça fait 2 semaines que je vous écoute et je vous kiffe, les gars. Merci, Vince, et pour ta fille. Ah, moi, ma fille, je veux faire des plaidos. Voilà. Ah, elle adore la plasticine, plate à modeler, tout ça. Ouais, mais je lui achète plus du slime, là, truc tout dégueulasse qui pue après. Ah, c'est relou. Vince et Nicolas m'a oublié. Vince, moi j'ai reçu un spéculoos. Alliance qui est au boulot actuellement, là. Non, Alliance, c'est quoi? Quoi? Qu'est-ce quoi? Qu'est-ce quoi? Quoi? Mais quoi? Je suis choqué, excusez-moi. Alliance, ma chérie. Qu'est-ce qu'elle a reçu? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, débat qui va se lancer, mesdames et messieurs. Là, je suis... Non, mais là, je suis attends, sous le choc. Attends, c'est un truc choqué positif ou négatif? Un peu les deux. Attends, elle t'a envoyé un truc sexuel ou quoi? Alliance m'a envoyé une photo d'elle. Ouais. Alliance, je vous montre la photo, elle a travaillé, journée Saint-Nicolas. Et voilà Alliance. Montre. Sujet à débat. Bon, ok, d'accord. Sujet à débat. Alors, elle a joué. Elle a joué Père Fouettard, Mère Fouettard. Oui. Ouais. Et Alliance, je voudrais savoir un truc. Est-ce qu'on t'a demandé de faire Mère Fouettard ou tu l'as fait volontairement? Non, je sais pas, je me pose la question. On dirait que quelqu'un l'a forcé, là, elle fait la photo. Pourquoi? Mais non, je sais pas. Alliance, il faut que tu nous donnes plus d'infos. Vince, moi, je suis agoraphobe. C'est une sexy Mère Fouettard. Alors, Alliance, elle est congolaise, je crois. Et elle est en Mère Fouettard. Et je me rappelle un jour, il y a un gars qui a porté plainte parce qu'on lui a demandé, il était de couleur, et on lui a demandé, tiens, t'as pas envie de le Père Fouettard cette année? Et c'est considéré comme la discrimination de demander à quelqu'un qui est de couleur de jouer le rôle du Père Fouettard. Normalement, ça doit pas se passer comme ça. Tout comme le grimage passe mal. Alors je sais que. Non, mais je pose la question parce que je sais que ça a défrayé la chronique aux Pays-Bas. Il y a des manifestations concernant ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant, les grosses manifestations. Pour le blackface, quoi. Ah ouais, non, mais ça va très loin. Aux Pays-Bas, Père Fouettard, genre, il y a des grosses manifs dans les rues, genre, il est raciste, etc. Hier, on a parlé de Père Fouettard, on avait dit que le mec, Père Fouettard, c'était un mec qui était de couleur parce qu'il allait dans la cheminée et qu'à la base, c'était, selon la région où tu vas, le Père Fouettard est différent. Oui. Donc voilà, mais là, je ne sais pas, je me pose la question, en fait, par rapport au truc. Bref, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça m'a quand même étonné. Je me suis dit, tiens, ok. Mais dis-nous, est-ce qu'on t'a demandé de le faire ou alors est-ce que tu l'as fait volontairement? Ça, c'est aussi la question que je me pose. Oui, peut-être que c'est elle qui veut. Hein. Voilà, Vin, j'ai eu 500 euros pour la Saint-Nicolas. Oh, c'est bon ça. 500? Grave, 500 euros, qui est au te voyez. Bah, du don. Mais ton Saint-Nicolas, il est gentil. Du coup, Père Noël, il va ramener quoi, 1000 euros? J'avais plaisir. Alors, Vince, il y a du bif. Vince, Saint-Nicolas, là. Julien, il nous dit quoi? Hop, Julien. Vous allez bien? Ben voilà. Ah non, merde, avec la musique en plus, là, ça fait sacré. Il y a un bloc chaque année. Attends, j'en ai. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Ben voilà, concernant le Père Fouettard, au travail de ma femme, il y a un bloc. Chaque année, il fait le Père Fouettard. Et pourtant, le type, il a 60 ans et ça fait au moins 30 ans qu'il travaille là-bas. Et chaque année, il le fait de lui-même. De lui-même. Mais je sais pas, moi, c'est. Moi, je sais pas pourquoi vous partez sur un débat là-dessus, en fait. Mais parce qu'il y a eu une histoire comme quoi. C'est compliqué. En fait, c'est pas clair l'histoire, la provenance du Père Fouettard. C'est toujours pas très clair, ouais, en fait. Ouais, non, on sait, mais attends, le truc, c'est mais que. Mais même, imaginons qu'il était noir. Mais non, mais c'est même pas ça, et mais. C'est quoi le problème? Mais non, mais les gens ils débattent parce que ouais, d'abord ouais, on parce fait que, un blackface, parce qu'on débat là-dessus, et puis maintenant on demande à un Renoir de le faire, c'est aussi un débat. Faut mais parce que on en parle, il y a plein de messages qui arrivent par rapport à ça. C'est parce que Père Fouettard est le méchant et que Père Fouettard est un peu entre guillemets l'esclave de Saint-Nicolas et que ça choque des gens. Voilà. Ah, alors c'est pas ça. Quand t'es un enfant, t'es là et tu ne vois pas le côté négatif derrière et tout ça. Mais de plus en plus on en parle. Comme je vous ai dit, il y a des manifestations aux Pays-Bas et c'est un petit peu voilà, c'est un petit peu compliqué encore le sens du truc. Mais bon, bref, Saint-Nicolas c'est les cadeaux. Parlons du côté positif. Ben oui. Et puis, on n'est pas une émission de gros débats autour de ça. En tout cas, pas ce soir. Mais un de ces quatre, on pourrait pourquoi l'aborder. Vin, j'écoute mon internat à Chimay. Et tout à l'heure, il y avait une meuf qui avait un couteau. Et elle était bourrée. Elle faisait trop flipper. Et elle a fait peur aux petits en passant devant l'internat. Ok. Bah, disons, à Chimay, je crois qu'il y a trop de bière, à mon avis. Il va falloir se calmer. Hein. Incroyable, ça. Vin, tout le monde Chimay. Encore 500 euros. Comme ça, j'aurais 1000 euros. J'ai pas compris le message. Vin, sa tradition. Trois petits points. Vince, met le gore Saint-Nicolas, s'il te plaît. Les rétos, on met du rouge à lèvres partout sur le visage, là. Bah, bisous aux rétos, là. Vince, Saint-Nicolas est turc. Pourquoi il ressemble à un Suédois? Ouais, bon, bah, ça, ce genre de truc drôle, quoi, effectivement. Les amis, avant de se lancer dans le Give Me Five, j'ai le plaisir d'accueillir Steven, bah, justement, qui va se lancer dans le Give Me Five. Allô, Steven? Allô? Yo, Steven est dans la maison! Sur énergie. Ça va, Steven? Bien, vous? Bah, ça va tranquille, mon pote. Tu viens de quelle ville, toi? Charlouze. Ah, j'ai grandi à Charlouze. Charlouze. Mais j'ai grandi à Charlouze. Alright. Et Tony, ramène, ne dis même rien sur Charleroi. Tu vas faire quoi? Quoi? Tu vas faire quoi? Tu viens de Charleroi? Je vais te faire maigrir. franchement, merci, j'en ai besoin. Bon, les amis, on a également Tony de Borin, Tony et Steven. Alors attention, Tony, parce qu'on a comme un petit écho derrière là. Coupe ta radio. Attends, je vais régler ça. Merci, c'est gentil. Voilà, ça va mieux comme ça. Voilà, formidable. Tony, tu veux faire équipe avec qui ce soir, puisque t'es le premier arrivé entre Lara, Nigel, Eddie et Thibaut et moi-même? Bah Vince, je vais faire avec Lara, tiens, vu qu'elle a fait les 67% hier, bah je crois que je vais faire avec elle. Ah bah très bien. Mais je les aime. Et Steven, tu te restes moi, Eddie, Thibaut et Nigel, tu choisis qui? Je vais prendre toi. Ah bah prends-moi, grand prends-le. Fou. Allez, viens, on fait un dilemme ce soir. Là c'est la merde. Un dilemme toi et moi? Ah oui, non mais là c'est la merde. Bah, attends, on va le faire sur ton profil, pas sur le mien, sinon c'est de la triche. Oui, bah alors il y aura deux likes. Voilà. Non mais le dilemme il est prêt, le dilemme il est prêt, il va être publié dans quelques instants si j'ai encore assez de batterie. Entre Thibaut et Eddy là sur mon Instagram, rendez-vous dessus, Vins Radio, VINZ et Radio avec une petite originalité avec. On lance le Give Me Five dans quelques instants, on a Célia aussi qui est là. Coucou Célia. Salut. Yo, Célia dans la maison. Célia, une phobie originale. On en parle avec elle dans quelques instants. Soyez bienvenue, on est en live. Interagis en direct avec Vince sur Énergie avec WhatsApp. Diego est dans la maison sur Énergie. Tarek est dans la maison. Jocelyne est dans la maison. 0492 222 002. 0492 222 002. Vous allez vivre un moment ultra privé, exclusif, avec votre star Énergie, Orelsan. Vous savez comment je m'appelle? Ça trouve dans Orelsan. Énergie live session. Bonjour, c'est Orelsan. Vous n'avez pas les passes. Votre radio préférée vous invite pour un concert en toute intimité dans les studios d'Énergie à Bruxelles. Tout va bien. Découvrez les hits de son nouvel album en live. Et soyez parmi les 50 privilégiés à vivre cette expérience unique. Énergie tout le temps et gagnez vos places pour ce concert ultra privé, exclusivement réservé aux auditeurs d'Énergie. It's never your fault. The bang bang bang. Banks and ranks on the pole. Zao. Aho. C'est action vérité. T'aimer ou te quitter. Et l'histoire est sans cesse répétée. Qui commettra la faute? Qui de nous deux claquera la porte? On dirait bien que l'enfer, c'est les autres. Tu sais qu'on en a. Tu sais qu'on en a. C'est qu'on en aura marre. Bang, bang, bang. Tu sais qu'on en a. Tu sais qu'on en a. C'est qu'on en aura marre. Ce n'est jamais de ta faute. Ce jeu, amour belliqueux, c'est quand nos cœurs se consument à petit feu. On se renvoie la balle et tout redevient normal jusqu'à ce que tu tires là où j'ai mal. Tu sais qu'on en a, tu sais qu'on en a. Sait qu'on en aura mal. Bang, bang, bang. Tu sais qu'on en a, tu sais qu'on en a. Soir de 21h à... En fait, on ne sait pas trop, mais on sait qu'ils sont là. Hey, bienvenue sur Énergie, on est en direct. On est là avec vous les amis. Qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien? On me le demande ce soir. Ah là là, j'ai encore une photo en rab là. On va voir si on va se la faire ce soir ou demain. Vince, j'ai eu FIFA 19, Momo. Eh ben voilà, bravo à toi mon pote. Y a Ryan qui est présent aussi. Super soirée encore à vous écouter. Merci Virginie aussi qui est là. Vince, je veux une, j'en ai marre que tu lis jamais mes messages. Pourquoi? Je comprends pas. Je vois que tu lis, mais tu ne le lis pas en direct. Mais si, en fait, j'essaie de lire un maximum. C'est-à-dire que lorsqu'un message arrive, je clique dessus et rapidement, il disparaît. Et donc du coup pour le retrouver c'est compliqué. Donc parfois quand vous avez de la chance, j'ai l'occasion de le lire et tout ça. Donc il n'y a aucun problème. Coucou à Jay qui est là, qui est connecté. Il y a Mouad aussi là, qui est là, là. Laurent de Serein, Lara ça va encore être dans le... J'ai pas compris le message de toi Laurent. Je sais qu'il y a des auditeurs, ils sont accros de Lara. C'est un truc de ouf hein. Oh. On m'a demandé des infos sur toi. Genre et tu fais quoi dans la vie? Et t'habites où? Et où est-ce que tu manges ton petit déjeuner? Est-ce que tu prends ton petit déjeuner extérieur? Est-ce que tu fais des courses? Moi j'ai dit mais les gars, vous croyez que je vis avec Lara? Ouais, on va te poser plein de questions. Hein. Mais là, sa vie, elle est trop mystérieuse. Les gens t'aiment, c'est incroyable. Les gens te et veulent. Je les aime aussi. Eh, hey, mais, tu sais, faut pas croire. Merci, Nathalie, pour ton message. Moi, j'ai vu les votes de ton sondage. C'est pas pour faire le rageux. Mais. Mais la tête de Wam. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Que tous les mecs qui ont voté pour Lara, ouais, quoi. C'est des mecs qui ont 45 piges. Et alors? Mais quoi? Mais attends, comment ça se fait? T'as accédé à mon Insta? Ah, j'étais hacké. Ouais, je sais qu'il a accès à mon Insta, mais je suis sûr qu'il a été scrollé pour voir, tiens, qui. Non, mais il a vraiment. C'est un jeu. Hein, d'ailleurs, je dis quand même big up parce qu'il y a des gens, des animateurs d'autres radios qui ont voté pour le truc. Je me suis dit, bah tiens, ah, ils participent à l'événement. Ils ont voté pour qui? Ils ont voté pour toi. Ah, et okay. un gars, il a voté pour Nigel. Ah, respect. Hein. Et je vous jure, c'est des mecs qui font d'autres émissions et tout, et ils se disent, ah putain, ils font un chouette jeu sur on va voter avec. Ah cool, c'est mignon. Vince, t'as pas encore mis la photo, elle va arriver, soyez patient, la photo va arriver tout de suite. Avant ça, on lance quand même une petite partie du Give Mo 5 avec Tony qui fait donc équipe. Tony que j'ai perdu malheureusement, je suis désolé les gars, va falloir rappeler Tony. Steven qui fait donc équipe avec moi. Steven, on commence avec toi, est-ce que t'es prêt? Steven, est-ce que tu me reçois? Oui, je te reçois. Ah, formidable, maintenant on s'entend super bien. Parfait, attention Steven, concentration totale. Tes mots ce soir sont les suivants. J'espère que je me trompe pas pour tes mots. Nous avons consonne, portrait, folklore, fondrière et clitoris. C'est bien ça? Super. Ouais. Et ce soir, la personne que tu affrontes, Tony, lui, ses mots vont être râteau, sablier, régime, argile et asexué. Et on commence tout de suite avec Steven. T'es prêt, Steven? Je suis prêt. C'est parti, on appelle un hôtel au hasard. Tu as une minute. Il est avec toi, Steven? Il est avec moi. Okay. Vas-y, go, Steven. Fonce. Cartonne-moi ce truc. Allez. Allez. Allez. Allez. Ah, ça décroche pas. Hôtel Acadia Tremblay-Mire, bonsoir. Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger. C'est bon. Téléphone parce que j'aimerais bien réserver une chambre. Je voulais savoir chez vous, pendant les fêtes, est-ce qu'il y a du folklore ou autre? Alors, excusez-moi, monsieur, je vais m'éloigner un petit peu du restaurant. Vous souhaitez réserver chez nous, monsieur? Je voulais savoir si chez vous il y avait du folklore dans les rues. Non, répète pas. Et tout ce qui va avec pour les fêtes. Du folklore. Mais non, répète pas. Du folklore. Oui, vous voyez les gens qui se font portrait et ainsi de suite. Est-ce que vous avez ça? Non, on n'a pas ça, non. D'accord. Non, l'accès à l'hôtel, il est bien. Je veux dire, il n'y a pas des fondrières et tout est bien. On s'y accède facilement. Oui, nous avons un magnifique hôtel, effectivement, monsieur. Super. Votre voix me dit quelque chose. Vous n'avez pas joué dans l'émission où on fait un consonne, voyelle, les chiffres et les lettres, là. Non, c'est pas vous, ça? Non, c'est pas moi, non. Non, j'ai pas encore ce quotient intellectuel pour accéder à ce type d'émission. Non plus, hein. Je suis plutôt dans les opérations. Oh là là, ça a raccroché ou pas là? Ça a raccroché. Alors je remonte un petit peu les micros de tout le monde là. Ouais, ça a raccroché. Steven, malheureusement ça fait 4. T'aurais pu placer clitoris, y était presque. Je l'ai placé. À quel moment il a placé? Il a placé, mais non. Je lui ai dit, vous avez pas le quotient avec clitoris non plus. Ouais, en fait le mec parlait au-dessus de lui. Donc il l'a dit, mais on n'a pas très bien entendu. On l'a pas entendu. Ah, mais donc ça veut dire que c'est 5 sur 5. Ouais, ouais. Ah mais bon, ça veut dire que c'est 5 sur 5 juste parce qu'il est avec toi, on est d'accord? Bien sûr. Ah, parce que aussi je l'ai mérité, hein. Bah oui, s'il a placé. Ouais, c'est vrai, surtout que t'as placé 4 fois folklore, donc on t'applaudit quand même. Excusez-moi, oui, Eddie. Vince, comme d'hab, le résultat, pas la manière. Hein. Voilà, on est bien d'accord, c'est ça qui prime. Juste un truc, vous savez, je dois vous faire une petite parenthèse dans cette émission. Vous devez savoir un truc, c'est que moi, je reçois des messages, j'ai été mis dans un groupe de je sais pas, d'Ivoiriens. Ou de Mauritanien, je crois. C'est pas une. C'est, non mais ils sont morts de rire au standard. Vous avez remarqué les mecs, on a été mis dans un groupe avec WhatsApp. Ouais, c'est avec bizarre. Toute une bande de Mauritaniens et en fait ils discutent tous ensemble, mais je comprends pas ce qu'ils disent. Donc je vous mets play, écoutez. C'est mauritanien le truc. Donc je crois que c'est un dialecte. Parce qu'à un moment donné, il y a un mec qui a parlé en Wolof du Sénégal et tout. Ah. Et les mecs, ils tapent des converses tous entre eux, c'est rien. Voilà ça. Puis ça... Voilà ça. Ils se marrent, tu vois. Et je sais pas pourquoi j'ai été mis là-dedans, dans une conversation de mauritanien et de sénégalais. Voilà, c'est quelqu'un qui t'a ajouté un groupe, quoi. Il y a même des numéros ivoiriens là-dedans. Mais c'est quoi ce. Je suis dans une bande de quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais quitte parce que tu as tiré ton WhatsApp. Ce qui est drôle, c'est que. Le pire, c'est que je crois qu'il y a un des gars là-dedans, on lui envoie toujours le programme de l'émission. Ah, mais ouais, c'est trop drôle. Donc voilà, bon, en tout cas, si on nous dit. Que le meneur, c'est Gilbert Montagnier. Vous êtes des Ivoiriens. Oh là là, incroyable. Bon, allez, c'est parti. Tommy, t'es prêt, Tommy? Tony? Tony? Oui, c'est moi. Super, Tony, let's go. On appelle pour toi, Tony. Tes mots sont les suivants. Nous avons donc râteau, sablier, régime, argile et asexué. C'est parti, on appelle. Ouais. Allez, vas-y, Tony. Une fois que t'as placé un mot, tu le replaces plus, ok? T'attends juste que la personne réponde un truc et tu passes à la suite. Ok. Bienvenue à Novotel, comment tu n'arrives pas à la réception, bonsoir? Oui, bonsoir madame, excusez-moi de vous déranger, monsieur asexué à l'appareil. Je voudrais réserver une chambre pour ce soir, si c'est encore possible. Je vais regarder les disponibilités, attendez. Je vous explique vite fait, en fait, si vous voulez, je viens de me prendre un râteau durant un rendez-vous sablier parce que la femme en face de moi faisait un régime et je lui ai proposé de l'argile et ça n'a pas passé, donc voilà. Je me retrouve tout seul pour la soirée, je voudrais bien dormir quelque part. Oui, on a des chambres disponibles, je veux bien vous aider, ouais. D'accord. Oh non. Quel échec. Elle prend ça au sérieux, oui. La pauvre. C'est mignon. C'est un échec. C'est un échec. Ouais, c'est un échec. Bon, ben voilà, quoi. Il repasse plus les mots. Non, mais j'ai pas bien compris ce que vous me disiez, excusez-moi. Et vous voulez réserver pour combien de nuits, combien de personnes? Pour une personne, du coup. Une personne, oh là là. Je suis navrée pour vous, monsieur. Oh, elle est tellement gentille. Ouais, elle est super gentille. Ah, bah, excusez-moi. Bah, donc, c'est pas grave, je vais voir ailleurs, alors merci. Non, monsieur, j'ai des chambres disponibles en fait. J'ai la chambre supérieure à 150 euros. Non, non, bah, attends, là, je dois intervenir. Bonsoir, mademoiselle. Oui. Bonsoir, c'est Vince de la radio Énergie à l'appareil. En fait, c'était une blague, mais vous étiez tellement gentil qu'on n'a pas envie de. Voilà, vous étiez tellement compatissante qu'on on préfère arrête vous le dire. Attendez, vous êtes sérieux là? Je passe à la télé là? Non, à la radio, à la radio. Je suis à la radio, mais il y a personne qui écoute la radio aujourd'hui. Bah si, il y a énormément de personnes qui écoutent. Alors là, ma chérie. Je voudrais me présenter, je peux me présenter ou pas? Bah allez-y, présentez-vous, on vous écoute. Non, c'est Inatea alors. C'est comment? Inatea, H-I-N-A-T-E-A. Enchanté, Inatea. Et vous êtes à quel hôtel, du coup? Enfin, si on peut le savoir. Je suis au Novotel Convention Expert, ouais, je suis en France. Ah, c'est en France, ouais, du coup. Mais attends, mais du coup, c'est quoi ton Instagram? Inatea-TTM. Ah ouais tout. Attends, j'arrive, attends. Inatea. TTM. Comment t'écris Inatea, wesh? H-I-N-A-T-E-A. TTM, voilà. Et franchement, respect, parce que tu sais quoi, d'habitude, ce qu'on fait, Inatea, c'est qu'on ouais. place des mots, et puis dès que les mots sont placés, on raccroche. Mais comme tu sais, on a senti l'empathie. Il a radio à la télé. Attends, mais moi, j'étais grave en mode compatissant. Hein. Eh, moi, j'ai connu ce genre de trucs-là, et moi, je m'en suis pas remis. Non. T'es de quelle nationalité? Bah, on s'en fout de quelle nationalité elle est. Mais non, mais je regarde son Insta, ouais. Lui, directement, avec ses questions-là, on s'en fout. Attends, je suis en privé, là. Attendez. Attendez, je débloque. Inatea underscore TTM. Ouais. Alors vous me donnez quelle note? 10 sur 10. Bah écoute, franchement, Inatea nous vend du rêve ce soir. On a carrément oublié ton nuit qui est en train de passer là. C'est complètement ouf. Tu donnes une note? Mais du coup, l'histoire, elle est pas vraie, hein? Mais non, l'histoire n'était pas vraie du tout. Bien vu. Voilà, c'est lui qui a inventé ça pour gagner. Mais le truc, c'est qu'il a mis que 3 sur 5. Il a mis 3 points sur 5, malheureusement. Et Inatea, on va pas te ranger trop longtemps dans ton taf. En tout cas, je t'envoie un DM, en tout cas. Respect, parce que t'es super cool. Ouais, t'es du trop coup, sympa. Du coup, il y a personne qui prend la chambre, là? Ah bah non. J'aurais voulu partir de la bunesse de l'hôtel, hein, mais bon. Là, c'est dommage. Merci quand même. Bah, merci à toi, en tout cas, Inatea. On te fait un bisou. J'ai la radio au téléphone. Et ouais. Ah bah merci à vous. Je t'ai envoyé un DM, n'hésite pas à me répondre. Bisous Inatea, ciao ciao. Ok, bisous. Allez, salut. À bientôt, bye bye. Elle est belle. Elle est super cool Inatea, c'est incroyable. Tony, alors malheureusement t'as placé que 3 mots. Ah oui. Mais oui, ouais, parce que. Mais non. Enchaîné, en fait. Mais ouais, t'as pas attendu qu'elle réponde. Alors, en plus, elle était super sympa. Et je suis ultra mort. Elle a dit la radio, il n'y a plus personne qui écoute. Pourtant, elle était super motivée de nous entendre. C'est ça qui est ouf. C'est ça qui est marrant. Offenbach avec Benjamin Grosso. Ça s'appelle Paradise. Alors, c'est sûr que la radio en général, mais sur Énergie, oh, les chiffres prouvent le contraire. Bienvenue. Turning ugly into Neverland, yeah. You're smiling, taking my baseball cap. I'm for you, everything for you. You give me butterflies, you feel like paradise. L'émission une fois, ce n'est pas grave. C'est pas 15. Tu peux rater l'émission deux fois, mais... pas 15. Tu peux rater l'émission trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois. 10 fois, 11 fois, 12 fois, 13 fois, 14 fois. Pas 15. Vince, 21h minuit sur Énergie. Et bienvenue à vous les amis sur Énergie, j'espère que ça se passe bien. Bon maintenant j'ai été mis dans une conversation, tout le monde parle chinois, mais qu'est-ce qui se passe? Et sérieusement, j'adore, on ajoute, il y a des gens qui nous ajoutent, qui nous parlent sur WhatsApp, et ils nous mettent dans des conversations. Et là, je suis dans une conversation entre Mauritania, et là je suis maintenant dans une conversation entre chinois, c'est pas une blague. Sérieux? Alors, je sais pas si c'est chinois ou vietnamien ou un truc dans le genre, parce qu'ils ont pas le... asiatique. En Chine. Asiatique, je sais que les caractères sont en chinois. C'est des caractères chinois, mais je ne sais pas d'où ça vient, tu vois. C'est Junjilu. Ouais, t'imagines peut-être. mais ils n'ont pas WhatsApp en Chine, ils utilisent d'autres c'est trucs. Pas vrai. C'est pour ça. Non, ils n'ont pas. Ouais, ils ont WeChat, ça, ça appartient à Facebook. Voilà. Il n'y a pas Google, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas Insta, il n'y a pas WhatsApp. Il y a plein de trucs qu'ils n'ont pas en fait. Hein. Ils ont l'équivalent. Seul moyen d'abord, c'est via les VPN, tout simplement. Mais bonsoir à Manon qui est connectée là. Allez, défoncez tout là ce soir. Vince, je suis. Dans la maison. Coach Léophobe, c'est quoi ça, Coach Léophobe? Je ne connais pas. Dis-moi en plus en détail, s'il te plaît. Avant de récupérer Célia, juste après. Attention, les amis. Il y a eu 3 points pour Tommy, il y a eu Tony pardon, et de son côté Steven lui a mis 5 points. Lara en favorité au niveau des points, c'est à toi de t'y coller. T'es prête Lara? Tout à fait. C'est parfait puisque tes points vont dépendre du coup de la victoire de Tony ou de Steven. Attention Lara. Je fais quoi? Tes mots sont bah tu choisis, vas-y. Ah bah vas-y le premier. Parler okay. Avec des bacs. Parler avec des bacs. Scu piou piou. Un peu difficile. Hein, parce que voilà. Ça, je prends le difficile. Voilà, pour ceux qui connaissent pas les scu piou piou, c'est tous les sons un petit peu pour voilà, Migos, ils inventent toujours des petits cris. Font hey. Voilà, d'ailleurs, ça, c'est un cri, hey c'est un cri de Migos. Hey. Voilà. Donc, on va faire parler avec des bacs, Lara. Huissier, loterie, utilitaire, tornade et prostitution. T'es prête? Ouais. Allez, c'est parti. On appelle tout de suite quelqu'un au hasard. C'est parti. Allez. Allez, faut que ça décroche. Allez, on va appeler au bar. On appelle ailleurs. C'est reparti. Oh, c'est long, dis donc. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais. Allez, à la réception, il y a le téléphone qui sonne. Non, mais hey, c'est toujours comme ça. À 23h19, ils changent les shifts. Ils changent les équipes, c'est pour ça. Ah ouais? Ouais, ouais. 23h, 23h30, ça change les équipes. Ok. T'as l'équipe de nuit qui arrive là, qui débarque. Ouais les gars, j'ai pas envie de répondre, c'est pas mes clients. Genre, hey, c'est encore ton heure, vas-y, décroche-toi. Non, moi je finis. Moi je finis dans 2 minutes. Ah, moi ça me saoule. Je vais mettre mon gilet jaune. Vous êtes en relation avec la messagerie de l'hôtel Pasteur. Sérieux, c'est messagerie, ah, messagerie. Ah, mais je peux c'est faire sur messagerie. Hein. Bon, vas-y, on va pas aller ailleurs. Eh, eh. En plus, là, déjà, c'était un autre. Hein. Faut danser petit. Résident Brossé Village, bonsoir, Mustapha, à votre écoute. Oui, bonsoir monsieur, je vous appelle pour avoir des renseignements sur votre hôtel. Je veux savoir, est-ce que vous avez un parking pour un véhicule utilitaire assez gros? Ah oui, la marque Scu, je sais pas si... Scuddy, vous connaissez la marque suédoise? Non. Vous avez un parking? Non. Ok. Alors, attendez. On a un parking souterrain et aussi on a un parking qui n'est pas souterrain. Donc, Ok, super. Piou. Ok, écoutez, en fait, je voudrais la meilleure chambre que vous aviez parce qu'on a gagné avec mon compagnon à la loterie. On est super contents. Piou, piou, piou. Est-ce que vous pouvez me donner une belle chambre, s'il vous plaît? Ah, merde. Mais c'est toi aussi, arrête de me déconcentrer. C'est quoi ces bacs là? Mais ouais, normalement, tu termines ta phrase, tu fais... Voilà, il faut se lancer, tu fais vraiment des... Tu vois, c'est vraiment des cris, tu fais... Toi, tu parlais, tu disais, monsieur. Job, job, mort, ouais. Skidibidibou. J'introduis, je prends mon temps, excusez-moi, quoi. J'étais là avec la marque Skou, j'allais dire la loterie, piou, piou, piou. Et puis, laissez-moi faire, j'avais 5 mois placés. Ça fait combien, là? Ça fait 2. Ça fait seulement 2, ouais. Pas jouer, ouais. Ce qui veut dire qu'en fait, je ne suis pas obligé de jouer ce soir. Steven, tu as battu tout le monde à plat de couture tout seul. Donc, c'est vraiment deux poids, deux mesures dans cette émission. Mais vas-y, participe quand même. Et l'autre, il a fait combien? Parce que ça a coupé. Il a fait trois. Et en fait, comme Lara a fait deux, ben, ça fait cinq. Et ça fait égalité, non, en fait. Il faut juste que t'en places un. C'est mais vrai. Si tu te raccroches au nez, dès que ça décroche. Ah, ouais. Mais vite, comme d'habitude. T'appelles, tu dis non, t'appelles, c'est ça, c'est bon, c'est fini, on raccroche. Comme en début de semaine. Mais moi, je vais jouer à la une titi. Je vais casser la démarche. Allez. Je vais jouer comme l'équipe de France face à la Belgique. Je vais faire un strict minimum. Et je vais fermer le jeu. Allez, hop là, c'est parti. C'est parti. On appelle. Mais hé, même pas de style, t'as besoin. Juste tu passes le mot, c'est fini. Non, si, on m'a dit parler avec la voix la plus aiguë. Eh ben, tu dis juste le mot. La réception, bonsoir. Dans la vallée, oh, la tribu de Dada, la lilala, dans la vallée, oh, j'ai cru entendre les... Allô? Oui, vous chantez bien. Excusez-moi, monsieur, j'ai une perruque dans la bouche, donc je vais l'enlever. Ah, voilà, c'est beaucoup mieux, là. Ce serait pour savoir si vous avez des trépieds chez vous, s'il vous plaît. Je vais chercher ça tout de suite, si ça vous dérange pas, là. Je suis sur quelle radio, là? Vous êtes sur Radio Libertinage. Est-ce que vous connaissez Radio Libertinage? La radio des libertins, où on vous fond dans la fondrière, et puis après, on prend vos os, et on en fait des parachutes, parce que c'est tellement bien de sauter avec des parachutes avec des os. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que tu connais le vent? Oh merde, il m'a raccroché au nez. Oh, fuck, je vais remettre ma perruque dans ma bouche. Oh. Voilà, super, bon, bah ça veut dire que j'ai gagné, non? Ouais, c'est Mickey, ouais. Oh, oh, oh, les enfants. Bravo, Steven, c'est gagné à plein de couture. Bravo. Oh là là. Bravo, bravo, voilà. Et merci, hein. Lara, oh, qu'est-ce qu'il y a? Ah là, vas-y, je t'écoute, Lara. Mais j'ai rien à dire. Et Lara, c'est une défaite ambulante en ce moment. C'est un truc de ouf. Bah, t'as gagné, moi je suis juste, hein. Oh là là, comment je t'ai éclaté? Non, personne n'a entendu la fin de ta phrase, elle était inutile. Non, je me suis arrêté à la fin de la phrase parce que je me suis dit, elle va encore me prendre la tête pendant 10 ans. Genre, ce mot-là, franchement, c'est pas cool. Vince appelait le Charleroi Airport Hotel. On va garder ça. Merci pour toi. Merci pour les infos. Ouais. Bon, Steven, bravo à toi. On prend tes coordonnées tout de suite en antenne. Félicitations, en tout cas. Ça va. Ouais, bravo. À bientôt, bisous. Au revoir. Au revoir. Bisous à toi. Et on remercie également Tony. Quand tu veux, Tony. Hein. Merci, mon pote. Ouais, Vince, merci, hein. Je peux passer juste une dédicace? Fais-toi plaisir, mon pote, vas-y. Ouais, ça va. Bah, je me dédicace à tous mes potes de McDo avec qui j'ai travaillé, à Moucron, Froyenne, à feu, à Luxembourg aussi. Et juste un petit message, je suis un des gilets jaunes pacifistes de Belgique et j'appelle tout le monde à se mobiliser samedi à Bruxelles. Ta gueule. Samedi, on y va. Again. Alors, les gars, s'il vous plaît, allez-y. Alors, Nigel, il est en flip. On va avoir des problèmes. Alors, non, mais c'est intéressant parce qu'on n'a pas eu de. Non. T'inquiète, Tony. Tony, t'inquiète pas, justement. Voilà. Justement, attends, nous, on fait les comptes dans cette émission avec. Gilets jaunes. Gilets jaunes, c'est pour ça. Alors, non, mais moi. De toute manière, vous êtes des gilets jaunes. Moi, je suis gilet jaune parce que je roule en vélo et j'ai pas envie de me faire écraser. J'ai envie qu'on me voie la nuit, c'est pour ça. Mais maintenant, Tony, attends, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je sais qu'il y a eu des manifestations en BX, il y a eu deux voitures qui ont été retournées, etc. Quand toi, tu dis que t'es pacifiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu viens sur place et c'est tout. Tu es là et tu protestes, en fait. Voilà, on est là, on proteste, on revendique les idées sur lesquelles on n'est pas d'accord avec le gouvernement, avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, mais on ne fait aucune casse. Il y a des casseurs, on se dit que... Ouais, mais c'est toujours des mecs qui en profitent pour venir tout péter. Je sais pas si t'as vu ce qui s'est passé à Paris avec l'Arc de Triomphe. Paris, tout. C'est super grave. Ils ont failli piétiner la tombe du soldat inconnu. Ouais, les symboles ont été tagués et tout. Mais c'est ignoble. Ouais, c'est certain et c'est vrai que ça fait froid dans le dos et tout ça quand on se dit que ça, qu'il y a des blessés dans tous les sens, etc. Ouais. Maintenant, les Français, ils manifestent. Je crois que tous les 3-4 ans, ils font une grosse manifestation, ils pètent tout, tu vois. On brûle des voitures. Allez, 1789. Hein. Voilà, mais c'est vrai que c'est eux qui ont inventé les révolutions limite. Mais mine de rien, il y a pas le Premier ministre français qui a dit qu'il suspendait pour l'année l'augmentation des taxes sur le carburant. Il a dit. Hein, Il a dit qu'il suspendait la mesure des nouvelles taxes qui devaient être votées pendant six mois. Exactement. C'est pas ce qu'ils veulent, c'est pas ce qu'ils veulent, c'est pas ce qu'on veut non plus. Il y a d'autres choses qui ne vont pas. Il y a par exemple tout ce qui est par rapport aux pensions, le droit de pension, les salaires des pensions, ne fût-ce que les taxes qu'on paye à l'heure actuelle, les taxes d'habitation, les taxes... T'inquiète pas, tu parles à l'indépendant et crois-moi que je le sens passer, donc je comprends. En fait, c'est sûr que les taxes, il y en a dans tous les sens et que ça, ça devient compliqué, ça devient difficile. Mais où est-ce qu'on va trouver l'argent? On revendique en fait qu'on n'est pas contre le fait de payer des taxes. Des taxes dans un pays, il en faut pour l'entretenir, c'est pas le problème. Bien sûr. Le problème qu'il y a, c'est qu'on paye beaucoup de trop alors qu'il y a de l'argent à prendre autre part. Les gouvernements s'entêtent avec une politique à aller chercher l'argent chez les petits peuples, chez des gens qui ont déjà du mal à boucler la fin de mois, alors qu'il y a de l'argent autre part. On a un premier ministre qui a des 4 meilleurs salaires mondiaux. Il a plein d'avantages comme je ne sais quoi avec. Oui, là, Tony, t'es en train de militer. Tony, attention, voilà. Tony, attention, t'es en train de militer là actuellement. C'est-à-dire que nous, du coup, ouais, de notre côté, tu nous mets dans une mauvaise position. Moi, je laisse l'exprimer les gens. Il n'y a pas de problème, tu vois. Mais il n'y a pas de politique. Hein. Mais voilà, nous, on fait pas de politique dans cette émission de base, quoi. Maintenant, on revendique qu'on est apolitique maintenant. C'est parce qu'on a certains points que voilà, forcément. Voilà, de toute façon, on n'est pas en train. C'est intéressant parce qu'on peut en parler. On n'est pas en train de dire ouais, ce parti-là. Là, on serait pas en position de le faire et surtout on n'a pas les connaissances en tout cas nécessaires pour le faire. Maintenant c'est sûr que voilà, s'il y a un mouvement qui se passe avec plein de gens, les gilets jaunes, c'est beaucoup en France, c'est beaucoup en Belgique aussi. Ça commence à se mettre dans toute l'Europe, en Allemagne il commence également, il y a beaucoup. C'est sûr, moi tout ce que je veux c'est que qu'il y ait pas des gens qui profitent de ça pour casser des trucs juste parce que voilà, c'est des gens mécontents et qu'on veut juste foutre le bordel, casser, qui a bien déstabilisé tout ça. Non, et maintenant comme tu l'as dit toi-même, tu t'invites tout le monde à aller samedi. Le truc, c'est que si tu dis ouais, allez samedi et que samedi il y a de la casse, après on retombe sur mon émission en disant eh, mais Vince, tu vois, t'as laissé quelqu'un dans ton émission dire remontez tous et après c'est ma faute, tu vois. Donc moi, je suis content que tu dises que t'es pacifiste, mais c'est important de dire aux gens, les gars, ça sert à rien de péter des vitrines de gens qui sont dans les mêmes galères que vous, quoi. Parce que nous, ce qu'on revendique, c'est que justement, on y va de manière pacifique parce qu'il faut que les gens comprennent qu'on n'est pas là pour les embêter. On est là justement parce qu'on veut bien sûr, parce que c'est un peu relou, tu vois, pour le mec qui a eu sa voiture cramée. Alors que le mec lui aussi, il a déjà que ça dans sa vie, voilà. Il travaille tous les jours pour et on lui enlève. Voilà, c'est un peu ça. C'est ça. Donc, que le peuple s'en prenne pas au peuple, parce que sinon ça sert à rien, quoi. Je te fais un gros bisou, Tony. À bientôt, mon pote. Merci, bisous à toute l'équipe. Ciao, ciao. Au revoir. Que tout se passe bien. Au revoir. Camilla Cabello, tout de suite sur Energy. Avec Consequences. Bon, les amis, on va se marrer quand même. Vous inquiétez pas, on a encore pas mal de conneries qui arrivent. On a la friend zone qui débarque tout à l'heure sur NRJ. Yeah. Dans les prochaines minutes. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Vince dans la maison! Qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien aussi, ça arrive. Bienvenue. Lost a little weight because I wasn't eating all the songs that I can listen to tell the truth. Loving you was young and wild and free. Loving you was cool and high and sweet. Loving you was sunshine, safe and sound, a steady place to let down. Loving you had consequences. Hesitation, awkward conversation, running on low expectation. Every siren that I was ignoring, I'm paying for it. Loving you was young and wild and free. Loving you was cool and high. Sweet. Loving you was sunshine, safe and sound, a steady place to let down my defenses. But loving you had consequences. Dark and cheap. Loving you is still take shots at me. From loving you was sunshine, but then it poured and I lost so much more than my.

said I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Le soir, 21h minuit, du lundi au vendredi, Vince. Vince est sur Énergie. Mais bien sûr qu'on est sur Énergie, il n'y a pas que moi. Je m'appelle Vince, effectivement, on est là tous les soirs. On a démarré le 27 août, c'est un plaisir d'être là. Si vous venez découvrir l'émission, bah, soyez les bienvenus. Je suis accompagné de, voilà, d'une team, d'amis, des amis, plus que des collègues, bien sûr, des amis, bien entendu. Lara, avec qui je travaille depuis maintenant combien de temps là? Combien de temps on est potes? Bientôt 7 ans. Ça va, oh, ça va vite, 7 ans. Je suis choqué, donc avant la naissance de mes enfants, quoi. C'est incroyable. Ah oui, j'ai tout vu en live. 7 ans d'amitié, ouais, c'est vrai, t'as tout vécu en live. Ouais. C'est pas elle qui a couché mes enfants, je vous le rappelle, je vous précise, non, hein, je vous rassure. Mais... des gens me posent des questions, genre, est-ce que vous êtes en couple, toi et Lara? Mais pourquoi? Non. Mais parce que vous avez l'air de bien vous entendre. Donc, à partir du moment où tu t'entends bien avec quelqu'un, t'es en couple. Mais non, mais c'est pas comme ça que ça se passe la vie, sinon je suis en couple avec Nigel aussi. Parce que même si lui et moi, on se clash à l'antenne, enfin, on se cache pas, mais je suis très souvent en désaccord avec lui. Et ben Nigel aussi, voilà, il fait partie de cette team depuis pas mal d'années maintenant. Ça va, Nigel? Bah ouais, ça va très bien, c'est pas parce qu'on est en désaccord qu'on est pas amis, hein, ça arrive. Hein. Ça peut arriver, effectivement. Si on est jamais, même si on n'est jamais d'accord. Mais... ouais, c'est sûr aussi. Hein. Alors je vous dis pas, on est tous les deux producteurs de cette émission, donc je vous dis pas comment c'est galère. Et puis de l'autre côté, nous avons Eddie et Thibaut aussi qui sont là. D'ailleurs, ça va les gars, tout va bien de votre côté là? Ouais, on est posards. Hein, je vous sens un peu silencieux aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Ouais. J'ai l'impression que vous faites les Gaulois là, vous restez dans votre petit coin. Parce qu'on a une petite forteresse autour de nous, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et du coup, on n'a pas envie de rentrer en guerre avec vous, parce que sinon, bon, on sait que vous allez perdre tout ça et ça craint un peu. Oh là là, écoutez-moi ça. Mais d'ailleurs, qui est en train de gagner entre vous deux là sur qui paraît le plus alcoolique? On parle de boisson. Ouais, ouais, sur Instagram. La réponse est inéluctable. Bah écoute, sur Instagram, pour l'instant, c'est 65% qui ont voté pour Thibaut. J'ai demandé qui est alcoolique entre les deux. Moi, je trouve ça un peu offensant quand même. C'est vrai, ça l'est, mais complètement. Parce que j'ai 35%, tu te rends compte? C'est vrai que t'as 35%. Et pour l'instant Thibaut est à 65. Laissez le temps les amis, parce que hier c'était 50-50 entre Lara et Nigel. Et le lendemain, bah, y a eu un changement. Les gens qui sont réveillés tout d'un coup se sont dit: comment j'ai pu rater ce dilemme? Allez, hop, on vote Lara. Et Lara est passée donc à combien de victoires? 67. À 67%. Ouais, franchement bravo hein. Voilà, face mais à 33. Comme par hasard pendant la nuit, tu vois, elle a fait un push, elle est partie dans le quartier, elle a prévenu tout le monde. Ça, elle a acheté des streams. Incroyable ça. Bon les amis, nous allons téléphoner tout de suite à quelqu'un qui va peut-être aller voir ici dans nos studios une live session de Orelsan. Ça va se passer mardi prochain, je vous le rappelle. Tout va bien. Est-ce qu'on est prêt? Pourquoi tu pleures? On veut pas gagner nous les places, ouais. Non. Nous on est en émission, hein. Mais je ouais. vous rappelle. Énergie live session, Orelsan. On a des invitations pour vous ce soir. Attention, soyez précis parce qu'on peut vous appeler si vous êtes inscrit sur l'appli Énergie Belgique ou alors sur le site énergie.be. Je vous rappelle la phrase Énergie, c'est j'écoute le 6-9 sur Énergie chaque matin. Bah ouais, tu vas l'écouter où ça hier? On est prêt? Bah. Je sais pas. Peut-être en chaîne télé, Énergie Hit. Ah non, ils sont pas diffusés sur la chaîne télé. Ah non, mais il y a truc. Truc qui? Énergie. Le morning mix, c'est ouais, ça? Voilà, morning c'est truc. Ça, ouais. Ouais. Tu sais, le mec, le morning truc. Attention, on téléphone à quelqu'un qui s'est inscrit sur l'appli Énergie Belgique ou sur énergie.be. C'est parti. Ça sonne. La pression. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bien, et toi? Mais ça va très bien. Tu t'appelles Bastien, c'est ça? C'est bien ça, oui. Ah Bastien, tu t'es inscrit où toi, énergie.be ou alors sur énergie Belgique? Partout, partout. Oh le mec il a pas lâché, il s'est inscrit comme un ouf. Bravo. Tu viens de quelle ville Bastien? De Gerpine. Gerpine, près de Charleroi, on est bien d'accord? C'est ça, oui, c'est bien ça. Eh ben, Charlouze, comment ça se passe? Mais j'ai grandi à Charlouze. Charlouze. Enfin pas loin, voilà, c'est dans les parages. Hein. Ouais, c'est à côté. T'aimes bien Orelsan? Oui, hein. C'est quoi ton type préféré d'Orelsan actuellement là? C'est quoi mon titre préféré, la dernière? La Rêve Bizarre avec Damso? Ouais, non. Ah, c'est la dernière hein, qui est sortie hein, d'Orelsan. Hein. Ah ouais? Ah ouais, c'est la dernière. Ah, apparemment. C'est celle-là. Tu changeais de visage, c'est pas tes belles histoires, je passe plus de... Ah, qu'est-ce qui se passe, encore une nouvelle. Je crois qu'il parle de paradis, en fait. Paradis, ok, d'accord. Non, c'est ça. Ok, ouais. Où il parle des fêtes de Noël avec ses parents. Non, non, Paradis, c'est une musique qu'on est en train de diffuser à la radio pour le moment, c'est pour ça, en fait. Effectivement, mais parce que celle-là, elle est sortie le 14 novembre, c'était le clip, la rêve bizarre avec Damso, c'est pour ça. Moi, c'est ma préférée actuellement. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Tout le monde m'a dit de laisser tomber, mais pour ouais, t'as... elles sont toutes bien. Bon, Bastien, écoute, va falloir être fort. C'est quoi la phrase énergie? C'est j'écoute le 6-9 sur énergie chaque matin. C'est une bonne réponse! Ouais, tout va bien. Bravo Bastien, félicitations mon pote, c'est gagné. On va se rencontrer, on va se rencontrer ici. Et n'hésite pas, hein, quand tu es dans les studios d'énergie, tu viens nous voir et tu nous dis c'est moi qui ai gagné chez vous et tout, hein, parce qu'il y aura du monde et on va pas savoir exactement qui aura gagné. Donc on compte sur toi, ça va? Je passerai, super. Ouais. Et d'ailleurs, ramène-nous un cadeau, hein. On t'a fait gagner, ramène un cadeau. Moi je suis là. Tiens, merci au logiciel. Allez, des chocolats ou quoi? Ouais, des chocobons, on aime bien les chocobons, nous. Ça part. Qui n'aime pas les chocobons, les gars? Y a personne qui n'aime pas les chocobons. C'est pas possible. Il n'aime pas le chocolat. Ouais. N'aime pas le chocolat. Mais tu le sais très bien. Il n'aime rien. Ah ouais, putain, c'est vrai, j'ai oublié, je me confondais avec le mince pain. Je déteste le chocolat. Oh purée. C'est pour ça que je t'aime pas. Ouais. Oh le raciste. Oh, c'est du. Ah, d'accord. Moi, il dit, alors on est mal logé avec lui. Hein. Mais moi non plus, j'aime pas le chocolat. C'est vrai, toi non plus? Moi non. Espèce d'auto-raciste. Oh là là. Je me déteste, hein. Tous les jours, je me frotte. Ça, il se regarde dans le miroir, il fait. Ah je suis. Rentons ton pays, je suis autophobe. Autophobe, t'imagines. Autoïste. Bon, Bastien, bravo à toi, mon pote. On t'accueille ici sur Énergie la semaine prochaine, mardi, d'accord? Super, merci. Au revoir, bonne soirée mon pote, bye bye. Bon, pour la suite là, qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien? Et la friendzone, est-ce qu'on fait la friendzone maintenant ou pas les gars là? Qu'est-ce qui se passe avec la friendzone? Mais la friendzone, le standard, ils ont essayé d'appeler. Ouais, on a forcé, hein, puisque le gars était super déter, il nous a envoyé des messages. Là on a forcé, on a essayé de l'appeler mais plus de réponse. Il s'est dégonflé, ouais c'est pas évident la friendzone, hein. Eh, ça fait deux fois qu'il nous fait le coup, hein, Thibaut. Deux fois il nous a fait ça, bon. Ah Thibaut, ah. Attends, moi je fais le coup, ben j'y peux rien. Une fois mais pas 15, hein. Ouais, et les gars, on a invité une patinoire là, je connais pas laquelle. Oh, je veux aller à la patinoire! Regardez ça comme elle est belle! Wow. Oh, c'est à Halle! Jérôme nous en. C'est à Halle ça, ouais. Je sais pas. Oh, c'est Hello. Magnifique! Voilà. J'ai jamais patiné. C'est quand qu'on va à la patinoire? Moi j'ai mes patins et tout, hein. C'est vrai, bon, j'ai pété la gueule. Ouais, j'ai mes patins. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est la patinoire Poséidon. Ben oui, c'est à Camberg. Ouais, ici à Bruxelles. C'est grave pas Halle, hein. Ah ouais. Ouais, très loin de là. Hein. Non, mais c'est Halle, genre, c'est là-bas. C'est ouais, là. C'est Halle. Vince, tu peux passer à Amir longtemps pour ma femme de ma vie, s'il te plaît. Kelly, elle s'appelle. Je veux des problèmes. Elle est à l'internat de Chimay avec moi et c'est la plus belle du monde. Je l'aime trop. Alors, comme ça, tu veux Amir? Non! Alors, comme ça, tu veux Amir? Mais t'entends juste le début du son, frère? Je veux des problèmes. Quoi? Tes galères deviennent les miennes. Tu vas me connaître. Je te balance et tu perds et tu mérites. Attends, c'est laquelle? C'est celle-là ou pas? Attends. Ouais. C'est celle-là? Ah, je veux des problèmes. Voilà, c'est ça la tonalité. Amir, avec longtemps. C'est pour Kelly qui va se reconnaître. C'est parti, on écoute ça. Je veux des problèmes. Je veux que tes galères deviennent les miennes. Voilà, c'est fini. Allez. Ah, merci, Vince. Non, mais on n'a pas le droit de mettre des sons dans la prog avant minuit, c'est pas possible. Non, mais surtout, donc, voilà. Amir, on l'aime beaucoup. Voilà, mais pour l'instant, on veut pas de problème avec le CSA. C'est ça, exactement. Et lui, il veut des problèmes, apparemment. Ouais, je veux tes problèmes. Je veux que tes galères deviennent les miennes. Ah, alors, on a dû refaire le clip avec un mec qui va voir une meuf et en fait, elle a plein de lettres d'huissier et tout. Et tu vois, il y a plein lui, de soucis. Lui, c'est le médiateur, en il vrai. Il y a les ex-copains qui viennent et tout, et donc du coup, il a affaire aux ex-copains. Oh, et le mec, il se dit, mais putain, dans quoi je me suis embarqué, tu sais, on refait le clip, allez. Bien, bah, bisous en tout cas à Kelly et de la part de son petit copain. Voilà, c'était pas pour troller, mais on a vraiment pas le droit si jamais je le laisse trop longtemps là. User ma peau sur la tienne. Demain je vais recevoir un mail genre pourquoi t'as diffusé? Qu'est-ce qui s'est passé? User ma peau sur la tienne. Ouais. Genre ça tellement dire... il va se frotter contre elle, ça va devenir un mais caillou. Oui, mais c'est ça qu'il dit, écoute les paroles. Ah ouais, mais puis j'ai non. Sacré ami, on aura peut-être bientôt un de ces quatre sur Énergie. Bon, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien? On va jouer tous ensemble. Qu'est-ce que c'est que ce jeu, Lara? Ce jeu, c'est très simple. C'est un auditeur qui nous a contacté un jour avec une photo. Oui. Oh, je recommence cette explication et j'enlève mon appareil dentaire parce que ça m'énerve. Lara a vraiment un appareil dentaire en plus. Ah ouais, mais c'est parce que je me suis déboîté la mâchoire, c'est extrêmement gênant. Et on veut pas savoir comment. Sur le... bah, ouais, non, bah justement. C'est... Non, mais je peux vous rassurer. je peux vous raconter une histoire. C'est que non, c'est le dentiste qui m'a fait ça. Je me suis pas fait violer par un dentiste. Je veux... C'est juste que j'ai... Ben justement, j'ai fait trop longtemps parce que je... Putain, imagine le dentiste, c'est Damien. On sait pas où il a mis ses outils et tout. Mais justement, il y a un dentiste. Il arrête pas de m'envoyer des photos de son cul avec des ustensiles. J'ai gardé la bouche ouverte trop longtemps. Les filles, faites attention, les garçons aussi, hein, on sait jamais. Ouais. Il faut pas garder la bouche ouverte trop longtemps. Grave, parce qu'il m'a déboîté ma putain de mâchoire. Ça fait un an que ça dure. Ça m'a déjà coûté 1000 balles. Pourquoi on pense à du sexe maintenant? Et oui, sauf que. Ça m'a coûté 1000 balles. Ça m'a coûté 1000 balles d'appareils dentaires, machin. Et c'est comme vrai quoi, il y a des gigolos qui sont chers. Il était utilisé en dentiste. Mais je revois sa tête en plus. Non, le docteur il me fait bon, vous pouvez plus manger des sandwichs, vous pouvez plus faire ça. J'en ai marre d'avoir des miettes sur ma bite. Et à un moment donné, il y a eu un mini silence, mais qui a duré une fraction de seconde, tu vois, où il m'a regardé, je l'ai regardé, je fais ça, j'ai compris ce que je peux pas faire. C'est horrible parce que ça claque. Dès que tu ouvres la bouche, ouais, c'est hyper gênant. Cloc. Là, je peux pas le faire, j'ai pas. Donc, je vais expliquer qui est Damien. Parce que c'est ça au départ. Voilà, Damien, c'est quoi? C'est un jeu qui est arrivé à nous sans qu'on le demande. Damien est un être extraordinaire qui travaille dans un snack. Oui, mesdames et messieurs, dans un snack. Et donc, dans un snack, il y a quoi? Il y a de l'alimentation, il y a des fruits, des légumes, tout ça. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend cette alimentation et il l'insère. Alors, Vince aime évidemment mettre ça en exergue et dire il met ça dans son cul. Bon. Bon, écoute, on est vulgaire, on est émission de soir. Mais il le met vraiment dans le cul. Mais moi, j'hésite. C'est-à-dire, j'ai encore mes doutes. Appelons un trou de bête. Oui, mais moi, j'ai encore mes doutes. Moi, je crois qu'il coince ça entre ses fesses. Mais c'est une blague. L'autre jour, t'as bien vu. T'as le concombre. Même le concombre, il était à moitié rentré. Il faudrait qu'on lui pose la question. J'aimerais vraiment qu'il me dise, est-ce qu'il a coupé le concombre à moitié et il a, tu vois, il a coincé entre ses fesses? Ou alors, est-ce qu'il a pris un concombre entier? C'est pas possible. Je ne peux pas. On salue les auditeurs qui ont déjà vu la photo parce qu'ils la reçoivent de temps en temps. Chaque soir, il nous envoie une photo avec un fruit, un légume différent. Il faut découvrir ce que c'est. Je la mets toujours quelques secondes sur Instagram maintenant, comme ça. Quelques secondes et puis boum, c'est fini. Bon, vous êtes prêts, les amis? Il faut tenter de deviner qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien. Allez-y. 0492-222-002 sur WhatsApp. Je précise bien sur WhatsApp. Ajoutez le numéro à vos coordonnées. Et vous faites vos propositions. Il va être très vite trouvé, je crois, celui-là. Hein. C'est des propositions qui viennent souvent, là. C'est parti. On y va. Proposition, je lis à partir de maintenant. On y va. Let's go. Musique. Voilà, j'attends que ça arrive. Faisal qui me dit je peux avoir la photo de Damien uniquement si je trouve la bonne réponse. Miguel m'envoie un fruit. Il est malin. Miguel. J'ai jamais envoyé ça moi. C'est pas Nigel. Miguel. On sait jamais. Miguel si tu préfères ou Michel. Ce n'est pas un fruit. Laurent de Serin dit une saucisse. Ce n'est pas une saucisse. Un mexicano. Ce n'est pas un mexicano. Ce n'est pas une carotte. Ce n'est pas une tomate. Damien nous dit une fricadelle. Damien il joue à son propre jeu. En même temps, il n'a pas des yeux derrière la tête, il ne sait pas ce qu'il s'est mis dans le pet. Une carotte, non. Une tomate, non plus. Une aubergine, non plus. Un concombre, non, c'était avant ça. Marine propose une carotte, des carottes encore, proposées par le numéro qui termine par 60-58. Non, c'est pas ça. Hello Vin, je vous écoute depuis un moment et je vous adore, surtout. Ne changez surtout pas. Oh, big up à toi. Merci mon pote. Alors, on me propose quoi encore? Un piment de la part de Pascal? Non. Un outil? Non, Marco. C'est quelque chose qui se mange. Fricadelle? Non, Geoffrey, ce n'est pas ça. Clarinette? On me proposait un chasseur. Un chasseur, ça se mange? Chasseur, ça se change. Chasser sur son chien de chasse, c'est pas un bon chasseur. Oh, la sauce chasseur. La sauce chasseur. Elle est bonne, cette sauce, ça se... À mon envie. Le nom donne envie. Ça me dit quelque chose, la sauce chasseur. La sauce chasseur. La sauce moustache. C'est pas la sauce moustache qui existe? De quoi, non, c'est ça, quoi? C'est autre chose. Ouais, ah ouais, putain. Ah ouais, c'est la sauce. Ah non, c'est la cyprine. Ah merde. Un cornet de glace. Putain, elle est bonne celle-là. Non, c'est pas la cornet de glace. Ce n'est pas un spéculoos. Ce n'est pas du cervelas. Ce n'est pas une pâtisserie non plus. Alors, Jonathan. Bon, bah, ce que je suis en train de manger, un pain hamburger. Ce n'est pas un pain hamburger. Bon app. Jason me fait une proposition également. C'est pas très naturel comme sens. Enfin, oui. Non, c'est sûr. C'est pas naturel comme sens. Alors, Lara Tebel, message envoyé par Logan. Merci Logan. Feta, la proposition de Jérôme. Non, citron de la part de Pamela, non plus. Jay propose une épice. Brian, un oignon. Non, c'est un piment. Non, ce n'est pas une feuille de salade. Ce n'est pas une feuille de salade. Un radis. Ce n'est pas un steak, Jas. Ce n'est pas un tacos, ce numéro qui demande par 0641. Ce n'est pas un radis. Ce n'est pas une viandelle. Ce n'est pas des cerises. Titi m'a proposé spéculoos massepain, non plus. Une pomme. Non plus, ce n'est pas une pomme. Brochette par Geoffrey, non plus. Une mandarine. Un navet, non plus. Mandarine, non plus. Une tomate, non plus. l'oignon non plus. Faisal, la bonne réponse. Bravo Faisal. Bravo. Ouais. Alors, une brochette. Non, la rate est trop belle encore qui revient. C'est incroyable. Logan, il y a un téléphone qui sonne d'ailleurs, qui vibre du moins. Un tube d'harissa non plus. Du haché non plus. Ce n'est pas ça. Damien, il propose quoi? Alors, petit indice, ça vient d'une bête à deux pattes. Voilà, une bête à deux pattes. À deux pattes. C'est peut-être un truc qui se tient debout. Alors, petit indice, ça vient d'une bête à deux pattes. Ça, c'est l'indice. Ah, ben un oiseau, je sais pas moi. Ah, Geoffrey a trouvé. Un œuf. Alors, on me dit un objet. Non, c'est pas un objet, c'est pas un œuf. Un truc à deux pattes. Alors, un chicon. Et... Non, c'est pas des frites. Qu'est-ce qu'il y a deux pattes? Pas des rhums, c'est pas des légumes. Marco nous propose. C'est une sauce samouraï. Ce n'est pas la sauce samouraï. Croquette de fromage non plus, les amis. On n'y est pas. Un steak. Un chou-fleur. Je vous redonne l'indice. Écoutez bien l'indice de Damien. Alors, petit indice, ça vient d'une bête à deux pattes. Voilà. Un Saint-Nicolas. Genre, un Saint-Nicolas, c'est un spéculoos qui serait mis dans le pet. Non, on avait déjà dit que c'était pas un spéculoos. Oui. Les amis, je vous laisse trouver parce qu'avant ça, voici Big Shaq. On retourne un petit peu à un an dans le passé. Avec ce son-là où tout le monde. Tout le monde est tombé dans ce délire. C'était incroyable. C'était mondial. Man's Not Hot de Fingos. Allez, tous ensemble, on va voir si vous connaissez. On connaît que le refrain. Rice Krispies. Allez, vas-y, vas-y, mais mets un casque. Allez, vas-y, Eddie. Non, je connais pas les paroles. Rice Krispies. Whole time I get with me. On the road doing 10 toes. Like my toes. Like my toes. You man fought, I froze. I see a penguin. Il connaît pas. Ah, il dit qu'il connaît pas. En fait, on connaît tous que le refrain. Non, je connais. Ah bon, on va t'envoyer. On y va. Until man's not hot. The girl told me take off the jacket. I said, baby, man's not hot. Until man's not hot. Until man's not hot. Never hot. The girl told me take off the jacket. I said, babe, the man's so hot. On y va. Ah, c'est toujours pas maintenant le refrain. Énergie, ils éditent tous les morceaux sauf celui-là. Attention, ça vient. Let him know. When I see him, I'm gonna spin his jaw. Finish. Take man's tricks by force. Take it. Send man's shot by force. Send it. The girl knows I've got the sauce. En plus, ils ont enlevé les scrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Et vous êtes tellement nombreux à proposer des propositions dans tous les sens concernant qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien ce soir. Il y a quoi dans son cul? Ceux qui trouvent la bonne réponse, les premiers en tout cas repartent avec la bonne, avec justement la photo du derrière de Damien. Je tiens à le préciser. Hein. Et merci à Clarinette qui m'envoie des photos bizarres. Merci Clarinette. Et Mr Boone qui nous envoie une note vocale. Visiblement, elle n'était pas pour nous. Alors je vais quand même mettre play. What the fuck? Alors Mr Boone t'envoie quand même des notes vocales bizarres. Hein. Il est en train de mixer un jus de clé, oui. Ouais, c'était très bizarre. Maxime, note vocale aussi. Pilon de poulet. Ce n'est pas des pilons de poulet qu'il y a dans le cul de Damien, mesdames et messieurs. Il a quoi, oui. Essayez de deviner. Des nuggets. Ce ne sont pas des nuggets. Des chicken wings. Chicken wings non plus. T'as dit fricadelle? Quoi? Fricadelle non plus, dans le micro. Ouais. Poulet croque. C'est une bonne réponse. Gilet jaune. Poulicroque. Poulicroque. De la caille. Non, poulicroque. Eh ben les amis, tout ce qu'il nous reste maintenant ce soir, c'est le mot de la fin. Ah cool. Ta. Vince, t'avais dit que t'allais faire un truc sur les comptines. Ah ouais, c'est vrai, effectivement, les fameuses comptines. On pourrait faire ça demain, je ne sais pas, je l'ignore. Ou encore ce soir. J'adore parce qu'il y a tout le monde qui m'envoie blind test. Ah les gars. Restez calme un peu. Voilà. Restez calme. Nadjo, tu peux enlever le bouton, merci. Mais en fait, il reste bloqué, c'est pas de ma faute, désolé. Nadjo, à chaque fois, il me parle dans le casque pour me donner des infos. Là, il dit que je dois parler de nostalgie. Oui, je sais, j'ai pas oublié, t'inquiète pas. Oh, c'est jamais, en fait, hein. Quand il appuie sur ce bouton-là, il y a mon casque, il se coupe en deux. C'est-à-dire que j'entends plus une partie et je suis complètement déstabilisé. C'est un cerveau divisé en deux, Vince. Ouais, il nous dit quoi, Damien? Bravo et félicitations au Nadjo sexuel scatophile. Et Alex, il lui dit quoi aussi? Alex, on t'entend pas, hein. Faut refaire ta note vocale, Alex, hein. Alex. Ah non, ça va pas, Alex. Alex, non, mon pote, il va falloir refaire tes notes vocales, hein. Vince, tu m'envoies la photo, il y a tout le monde qui veut la photo, là. Incroyable. Vince, les gars, vous êtes les best énergie, là. Merci, Francesco, c'est gentil pour ton message. Tout de suite, le mot de la fin. Ah. Ne bougez pas. On arrive dans quelques instants sur Énergie. Yeah. On est en direct, on est là, bougez pas. Vince, 21h, minuit, sur Énergie. Abonne-toi à la chaîne Énergie Belgique et découvre toutes les autres vidéos de Vince sur Énergie. Énergie Extravadance, la plus grosse fête de Belgique. Chaque samedi soir, dès 21h, Extravadance. Énergie Extravadance, votre émission club de référence. Vos DJ belges et internationaux mixent chaque week-end sur Énergie. You fight like hell, but you're barely alive. Work so hard, just try to survive. Head's underwater and your hands are tied, I know. Dream so big, eyes are wide. That's the kind of life that I can't provide. It breaks my heart how you feel tonight, I know. Lean into me, with you back in your mind. Lean into me, when you're broken inside. Ooh, lay your worry down. Lay your worry down. Down on me. Ooh, lay your worry down. Lay your worry down. Lay your worry down on me. On the run, but we're never there. Take no time coming up for air. There's a deeper feeling that this life's not fair, I know. Lay your worry down on me. Minuit. 21h minuit. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Vince. Vince est sur Énergie. Les amis, il est minuit pile poil et normalement, bah, cette émission doit être terminée. Oh. Oh. Yes. Quel bâtard. Yes. Mais nous allons la prolonger, mesdames et messieurs. Oh. On va la prolonger parce que il y a le mot de la fin. Mais attention, il y a aussi un petit délire là. Vous savez, les comptines pour enfants. On avait passé une chanson de Saint-Nicolas hier. Une chanson. Une chanson, excusez-moi. J'ai un petit feu sur la langue qui est apparu. Je rigole avec une chanson de Saint-Nicolas. D'ailleurs, Lara nous a fait découvrir un truc. Une chanson de Saint-Nicolas que je vais vous repasser en rapide là. Lara, la chanson, tu la connaissais super bien. Bah oui, je la chantais quand j'étais petite. La légende de Saint-Nicolas, on a découvert que l'histoire de Saint-Nicolas était horrible, qu'elle raconte l'histoire d'un boucher qui a attrapé des enfants et qui les a zigouillés. Et en fait, 7 ans après, Saint-Nicolas passe par là et il veut manger dans l'auberge du voilà, boucher, ouais. qui lui sert en fait les jambons et les saucisses des enfants avec la viande des enfants. Enfin, c'est dégueulasse. Un truc bien, bien crade. Finalement, il ressuscite les enfants. C'est ça. D'ailleurs, écoutez, ils se sont perdus. Écoutez, c'est juste le début. Hein. On a découvert ça hier, on était choqués. Donc, des enfants sont perdus. Et il tombe sur un boucher. Ah, boucher, est-ce que t'as pas envie de nous loger, s'il te plaît, trois enfants et tout. Et le boucher, écoutez. Entrez, entrez, petits enfants, il y a de la place, assurément. Ils n'étaient pas si tôt entrés que le boucher les a tués. Voilà, bim, voilà. Bam, bim. Alors déjà, ça te met la pression. Saint-Nicolas revient, il comprend que ce qu'il est en train de manger, enfin bref, que il voilà. Il ne peut pas manger parce qu'il sait, il comprend que c'est le truc des enfants. Voilà, et du coup, il les ressuscite. Ouais. Voilà, donc c'est beau, ça finit bien. Mais on a découvert, grâce à ça, on a fait des petites recherches, qu'il y a plein de chansons des comptines qu'on a tous chantées, mais qui racontent des histoires totalement horribles, en fait. C'est ouais. par exemple comme le conte de Chaperon Rouge. Vous ne ouais, saviez ouais. pas que c'était la symbolique des filles qui entrent en menstruation, qui non. ont leur règle pour la première fois. Non, non, j'ai pas fait le lien. Mais c'est pour ça qu'elle a une cape un archétype rouge. Psychosocial. Ah oui, c'est tout à fait ça. Ouais, j'avais complètement. C'est une histoire pour les jeunes filles. Voilà, la mère dit écoute, mets ta cape rouge. C'est vrai qu'il paraît que tous les contes pour enfants ou tout ce qui est heroic fantasy et tout, ça a inspiré de trucs de la vie de tous les jours, comme oui, Seigneur des Anneaux, Harry Potter et tout. C'est tous les trucs qui sont inspirés de la vie de tous les jours, ah, mais qui sont amplifiés et qui sont transformés un petit peu, quoi. Et du coup, elle part, elle va loin, elle fait pas ce que sa mère lui a dit et du coup, elle se fait manger par le loup. Voilà, parce que dans la vraie histoire, elle se fait manger. Hein. Oui, tout à fait. Donc, c'est le chasseur qui vient et qui ouvre le ventre, etc., et qui récupère Chaperon Rouge. Voilà, exactement. C'est le padré qui revient de nulle part et qui tue le mari, tu vois, qui a kidnappé. Enfin, c'est spécial. Tu vois l'image. C'est des histoires d'ouf. Et donc, du coup, on a découvert que cette chanson-là, mesdames et messieurs, raconte une histoire. Celle-ci, écoutez bien. Une souris verte qui courait dans. C'est un classique, tout le monde la connaît. Je la mets dans un tiroir. Elle me dit qu'il fait trop noir. Ces messieurs me disent trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau. Ça fera un escargot tout chaud. C'est mignon, on est d'accord. Ouais. Bon, vous voulez connaître l'histoire ? Oui. Eh bien, en fait, la célèbre chanson Une souris verte ferait référence à un soldat vendéen qu'on appelait les souris à l'époque. C'est la guerre de Vendée, j'ai pas très bien connu mais c'est parce que j'étais pas là en même temps. Ouais. C'était entre 1793 et 1795. Lara, après... l'historienne, tu connais, toi ? Bah, c'est juste après la Révolution française. Voilà, guerre de Vendée. Et en fait, ouais. donc les soldats vendéens, on les appelait les souris. Et en fait, c'est l'histoire d'un gars qui a été traqué, un soldat vendéen, qui a été traqué par des soldats républicains pendant cette guerre, et puis torturé de façon atroce puisqu'il fut plongé dans de l'eau et de l'huile bouillante. D'où une souris verte qui courait dans l'herbe. Donc, le soldat de Vendée qui s'enfouillait, on l'a attrapé, on l'a montré à tout le monde, et on l'a mis dans un endroit, on l'a torturé, et on l'a trempé là dans l'eau, l'huile, ça fera un escargot tout chaud. Et en fait, en gros, ils l'ont trempé dans l'eau et dans l'huile. Et c'est de là que ça vient, en fait. Mais ça, du coup, c'est pendant la guerre. Hein. La guerre de Vendée, voilà, exactement. Oui, c'est la guerre après le 1700 machin. Non, c'est pendant la Révolution, ça. Non, 1789, mais après, ça a continué un peu en 1792, etc. Et là, en fait, la guerre de Vendée, ça a opposé les royalistes contre les révolutionnaires. Mais du coup, il y a un moment, c'était pendant quoi ? Qu'est-ce que tu veux c'était dire ? C'était pendant la Révolution française. Mais non, mais c'était avant la Révolution française, c'est 1789. Et là, la guerre de Vendée, c'est après 1793-1795. Voilà. Je suis en train de le dire depuis là tout à l'heure. C'était 1793-1795. C'est après 1789. C'est après la Révolution française, de toute façon. Après la première, il y en a eu deux. Bon, bref, cours d'histoire ce soir. Allez. Voilà, donc on réécoute cette chanson avec l'autre sens. Je la mets dans un tiroir. C'est horrible. Elle me dit qu'il fait trop noir. Ces messieurs me disent trempez-la dans l'huile. torturez-le. Trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Voilà, voilà la chanson. Mais en fait, avant, c'était un truc de ouf. Ouais, non, mais c'est complètement vrai. Mais c'est drôle que ce soit transformé de façon mais super gentille comme ça. Il y a comme Au clair de la lune aussi, on en parlait hier. Bah tiens, Au clair de la lune. Au clair de la lune, mon ami Pierre. Donc ça parle en fait de prostitution, en fait. On écoute d'abord. Ça rentre dans la tête des gens qui la chantent. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Donc Lara, ça raconte quoi dans cette histoire? Apparemment, la chandelle, ce serait ce qui se cache dans son pantalon, quoi. Voilà, c'est ça qu'on avait dit hier. Ouais, c'est ce qu'on a ma dit. Ma chandelle est morte. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. Un mot. Ma chandelle. Donc, c'est bizarre, c'est chanté par une fille, tu vois, donc on est hors contexte. Mais ça veut dire genre ma teub est morte? Ouais. Comment c'est possible? Bah, quand t'es vieux, mais, quoi. Mais ouvre-moi elle fait chie, quoi. Elle est pas morte. La chandelle est morte, tu la symbolique, hop. Ah, ok, ouais. My flower is beautiful, oh yeah. My flowers are not beautiful. Voilà. Donc c'est un peu le délire, très sympa. Et sinon, à la Clairefontaine, mesdames et messieurs, rappelez-vous à la Clairefontaine. Écoutez bien. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Hey. C'est une chanson féministe apparemment. Sous les feuilles d'un chêne, je me suis fait sécher sur la plus haute branche. Je me suis fait sécher. Ah oh, ouais. Chantait. On m'enlevait toute la cyprine. Voilà, poil quoi. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Alors ça, en fait, c'est une histoire de friendzone, en fait. Bah, là, ce que moi j'ai retrouvé comme information sur Internet de cette chanson, c'est qu'en fait, comment expliquer, à la Clairefontaine, c'est une chanson qui parle en fait de la colère d'un jeune homme repoussé par sa bien-aimée. Voilà, friendzone. À qui il a refusé un cunnilingus. Oh. Oh. Donc la femme a voulu faire moi un cunnilingus. Oh non, ok. Donc j'ai perdu mon avis, j'ai perdu mon ami sans l'avoir mérité pour un bouquet de roses que je lui refusais. Et c'est comme ça qu'elle est devenue sèche. La cyprine, elle est devenue sèche. Ah, oh, n'importe quoi, lui, il va encore plus loin. Ah, c'est intéressant. Donc voilà. C'est hyper féministe, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis sinon, on a d'autres trucs, hein. On a d'autres trucs qui sont. Mais connaissez... il y avait l'histoire de. Connaissez cette chanson? Est-ce que tu sais twerker? Non. C'est quoi ce conte? Tu connais pas cette chanson? Est-ce que tu sais twerker? Non. Tu connais pas Martha Solveig, la meuf qui a fait Ballon d'Or? Est-ce que tu sais twerker? Non. Ouais, la joueuse voilà. De l'Olympique Lyonnais, ouais. Ouais, complètement. Lara, elle a pas suivi, je crois. Non, mais je connais pas ce truc-là. Ah ouais, t'as pas suivi cette histoire? Non. Putain, mais elle est coupée du monde, Lara. Lara, c'est un truc de ouf, elle suit pas l'actualité, là. On va se mettre en mode ici mot de la pour fin. Pour connaître l'actualité, comme alors, les gens qui écoutent. Il y a quelques jours, il y a eu le mot de le Ballon d'Or qui s'appelle. Michoum, je sais pas quoi, là. Modric. Luka Modric a été nommé Ballon d'Or, à savoir le meilleur joueur de foot de l'année. Ouais, mais maintenant que j'ai vu sa tête, je vois qui c'est. Voilà, j'ai compris, je l'avais vu. Luka Modric, le croate. Mais en même temps, ils ont offert pour la première fois lors de cette cérémonie un ballon d'or à une femme. Exactement, qui joue à l'AS Roma, il me semble. Non, à Lyon. Je suis au courant. Mais c'est parce que je viens de le dire. Non, je l'ai dit avant. Et donc, du coup, première fois qu'on donne un ballon d'or à une femme dans le football féminin, c'est génial. Et Martin Solveig a dit une petite connerie qu'il aurait peut-être pas dû dire, effectivement. Il lui a demandé, dès qu'elle a eu, voilà, boum, bravo, t'as gagné et tout. Et là, Martin Solveig, il lui dit. Attends, il faut que je remette là. Ah putain, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, là, le con. Voilà, allez, hop. Il lui a dit. Ah, mais merde, putain. Mais est-ce que tu sais twerker? Donc en voilà, fait, c'est finalement... ça, tu sais twerker. Mais en gros, je voulais le mettre, mais il y a mon programme qui déconne. Donc ouais. Il a dit ça. Voilà. Est-ce que tu sais twerker? Non. Et elle lui a répondu non, non, voilà. Et en plus, comment elle l'a regardé? Le truc twerker, c'est genre, comme par hasard, t'es une meuf, t'as gagné. Est-ce que tu sais twerker, tu vois? Est-ce que t'es une chouin? Demande ça à Kylian Mbappé, qui savait pas qui était Martha Solveig ou plus. Voilà. Ah, bah voilà. Il savait pas. Ouais. 18 ans. Voilà, non, mais. Non, il savait pas. Ah ouais. Non, non. Quelle génération? Mais qu'est-ce que tu veux, eux, ce sur quoi ils chantent là pour l'instant, c'est. Amener là. Voilà. Merci d'avoir spoilé, hein, c'est gentil. Attends, t'es vraiment con. Hein.